Bonus. Trax. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue dans Blind Test, une rubrique qui consiste à faire participer nos joueurs à une aventure dont l'univers ne leur a pas été présenté. Celui-ci pourrait être tiré d'un jeu de rôle, mais aussi d'une série télé, d'un roman ou de tout autre média porteur d'histoire ou d'aventure. Pour brouiller les pistes, le système de jeu sera éventuellement modifié. Bonne écoute! Bonjour à toi qui écoutes nos aventures, et plus particulièrement ce nouveau et court épisode de Blind Test, intitulé Note Finale. Accroche-toi à ton siège, car cet épisode va partir vite et finir tout aussi vite. Tu as donc peu de temps pour deviner le jeu en question. Nous avons aussi déploré des soucis techniques, puisqu'un de nos joueurs va perdre sa connexion en plein pendant la partie. Veuillez donc nous excuser pour la confusion qui en résulte. Vu que la partie se faisait en one-shot, nous avons décidé de continuer, et Benzébuth, puisqu'il s'agit de lui, pourra continuer à nous parler textuellement et lancer quelques dés à défaut de nous parler. Nous espérons que ça ne gâchera pas votre plaisir et que vous apprécierez malgré tout cet épisode. Bonne écoute, chères auditrices et auditeurs. Eh bien, donc, bonsoir. Nous sommes ici pour un blind test. Et donc, ce blind test s'appelle Note Finale, car comme tous les blind tests, je fais un jeu de mots pourri sur le nom du blind test. Vous comprendrez peut-être plus tard pourquoi. Et donc, c'est très simple. Nous avons avec nous quatre joueurs. Ces quatre joueurs vont jouer leur propre personnage et ils viennent chez moi. Jordi, pour faire une partie de jeu de rôle, pour jouer à Shadowrun. Et donc, nous avons avec nous Benzébuth, alias Benoît. Alors, décris-toi un petit peu, Benoît. Parle-moi de ton personnage. Eh bien, j'ai 39 ans, je suis un informaticien, ancien militaire, 1m80, brun, et une question, en vrai. Oh, c'est, je pense que c'est suffisant. Pas la peine de trop en dire. Ça va suffire pour recevoir des lettres de fans, il n'y a pas de souci. C'est ça. Nous avons également avec nous donc Benoît, qui est un ami de longue date, de quelques années. Ouais, ça fait combien de temps qu'on se connaît, Benoît? Ça fait, nous sommes rencontrés à notre travail. Et donc, j'ai invité Benoît, qui vit actuellement dans une région différente, dans le Nord, et je l'ai invité chez moi en région parisienne. Il y a également Lucas. Oui, bonsoir. Brise rotule de son pseudo. Je me décris, c'est ça? Bah, s'il te plaît. Voilà. Eh bien, moi, j'ai 23 ans. Je suis journaliste en alternance. Physiquement, je fais 1m77. Je suis aussi brun. Et voilà. Et nous avons également avec nous Malouin, alias Manu. Moi, j'ai 45 ans. Hein. Voilà. Dis pas comme ça, c'est pas grave. Ouais, c'est comme ça. 1m85, les cheveux bien poivre et sel, des lunettes, rien de plus. Et ça fait au moins 20 ans qu'on se connaît. Ah bah ça fait même plus que ça, mon ami, ça fait bientôt 30 ans, je dirais. Eh oui. Bientôt 30 ans, eh oui. Quant à Lucas, pour savoir qu'est-ce qu'il fait chez moi, Lucas, c'est simple, c'est l'individu qui a l'outrecuidance de vouloir épouser ma nièce et filleule. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on se connaît. C'est toujours la même présentation, mais je m'en lasse pas. Toujours, parce que cette fois-ci, celle-ci, elle va être diffusée, et donc c'est encore mieux. Ça sent le règlement de compte un peu, non? Non. Et donc, pour finir, nous avons... Pour ça, c'est pour ça que tu parlais de nous tuer en début de partie, en fait. C'est juste à cause de Lucas. En fait. Et donc, pour finir, nous avons Valkan, alias... Emric. Donc, voilà, donc bah, aussi dans l'informatique, 35 ans et 1m80, châtain, avec des lunettes, voilà. Et nous nous connaissons puisque nous avions des amis communs qui nous ont tout à fait, c'est ça. Qui nous ont présenté et nous avons commencé à jouer en ligne ensemble sur Dice & Click. Même avant ça, hein, c'était avec Eru. Eru, tout à fait. Puisqu'on a commencé à Oltré qui n'a jamais été poursuivi. Oltré, ouais, c'est ça. Ouais, on fait 2-3 sessions, je ne sais plus. Pas assez. Mm-hmm. Bien, et donc je vous ai invité chez moi. Donc Jordi, moi j'ai 41 ans, je suis également dans l'informatique et je vis donc en région parisienne. Je fais 1m85, j'ai les cheveux châtains foncés. Et une belle barbe poivre et sel. Donc, vous êtes chez moi. Il y a également présent ma femme Élodie et mes deux filles Sybille et Calliope. Et nous sommes donc, j'ai fait un modeste plan que vous voyez sur Roll20. Mm-hmm. Et nous sommes donc eh bien, dans cette pièce, tout simplement, dans le salon, dans la salle à manger même. Salle à manger. Nous sommes attablés autour de cette magnifique table carrée. Et nous sommes en train de jouer à Shadowrun. Plan très réaliste. Merci, je te remercie, j'ai mis beaucoup d'efforts. Surtout la table. La table, on la reconnaît parfaitement. Ah bah, n'est-ce pas ? Elle est trapézoïdale. Oui, c'est l'effort suspensionné. Les WC aussi, ils ont un peu des angles non euclidiens, mais bon. Et donc, hop, moi, je me trouve ici, tandis que ma femme et mes filles sont dans le jardin en train de jouer, car nous sommes un samedi, il est à peu près 16h, 16-17h, et nous sommes en train de finir cette partie de Shadowrun. Donc vous venez d'obtenir réparation de Monsieur Johnson, hein, qui avait évidemment essayé de vous arnaquer. Vous venez d'empocher tous les New Yen qu'il vous devait, peut-être même un petit peu plus. Tout le karma que vous méritez, karma étant XP sur Shadowrun. Et donc voilà, on est un petit peu en train de... L'ambiance s'allège, on est en train d'un petit peu discuter de la fin de partie, de faire un petit peu notre débrief. Et l'un d'entre vous regarde son téléphone, parce qu'il voit quelque chose d'intéressant. C'est qui ? Qui a mis son téléphone dans sa fiche d'équipement ? Moi, j'en ai mis un. Je crois. Mais bon, je vais me faire mal voir si je regarde mon téléphone pendant une partie Shadowrun, déjà que... Ah, la partie est finie. J'ai des problèmes avec le système de jeu, je vais me faire taper dessus. Eh bien, moi, j'assume, je le fais. D'accord. Eh bien, donc, tu vois une vidéo qui semble faire le buzz, qui s'appelle New Netflix Show, avec un point d'interrogation. Et ce qui, effectivement, c'est une vidéo un peu bizarre, où tu vois le robot Curiosity, qui a, semble-t-il, perdu le contact avec la Terre en arrivant sur Mars. Tu vois également une vidéo de la surface de la Lune où un impact important qui se fait sur la surface de la Lune. Et ça parle de satellites qui perdent de contact, dont on a perdu le contact. Et sur la fin, tu vois également des soucoupes volantes qui semblent parcourir la Terre avec divers mouvements de panique ou même de simples réunions pour les accueillir. À ce moment-là, la lumière dans la pièce commence à fluctuer et là, vous entendez une petite explosion dans la cuisine. Jordi se lève d'un bond pour regarder ce qui se passe. Tout à coup, une lumière aveuglante baigne la maison et le jardin. Et c'est là que vous voyez Elodie, Sybille et Calliope, les deux filles qui jouaient dans le jardin, donc qui sont immobilisées, qui ne bougent plus, et qui semblent captées par un rayon venu du ciel. Jordi se rue dehors pour voir ce qui se passe, l'ouvre la porte-fenêtre de la salle à manger, se rue dehors, et c'est là qu'un fin rayon de couleur rouge le percute. Jordi est sous vos yeux, réduit en poussière. Il ne reste qu'un squelette qui s'écroule au sol. Merde. Ok. Vous me faites un jet de choc, c'est-à-dire un jet de défense mentale. La défense mentale étant la volonté. Donc, à tour de rôle, vous allez me faire un jet pour savoir comment vous réagissez à ça. Eh bien, on va commencer par Aymeric. Ok, donc je lance mon score de volonté en dé, c'est ça ? Alors, tu lances... Non, pas ton score de volonté, tu lances un dé positif. Ok. Et si tu as des avantages, d'équipement, je ne sais pas quoi que ce soit, qui te permettent de lancer des dés en plus, ou... Enfin, des dés positifs en plus, ou des dés négatifs en plus, eh bien, on les rajoute. Ouais, je sais pas. Bah, peut-être que je reprends un coup de vin que j'avais ramené. Je sais pas si ça peut aider. Crois-tu que ça t'aiderait ? J'ai pas l'impression. Aucune idée, je ne vois pas souvent des gens réduits en poussière par un rayon rouge, donc je ne sais pas trop. Tu crois ? Eh ben écoute, tu vas lancer un seul dé, là on va voir ce qui se passe, et donc on va le comparer à ta volonté qui est de 2. 6 Eh bien tu prends 3 points de stress mental. Hop, nous avons maintenant Benoît. Benoît qui a 3 en volonté, lui. Vois-tu quelque chose qui te permettrait de lancer plus de dés positifs ou plus de dés négatifs ? Alors, du coup, je suis distrait, ce qui est une compétence négative. Mais du coup, là, je me dis, c'est dans le sens, ça me permettrait d'avoir raté la scène. Tout à fait, sauf que c'est un trait négatif, et donc ça ne peut pas être utilisé comme un trait positif, je le crains. Tu vas donc lancer un D6, s'il te plaît. Bien tenté. C'est un 1. Tu réussis, tu ne prends qu'un seul point de stress. La mort de ton ami te choque beaucoup moins que la mort d'un presque inconnu de Valkan. Bah. Manu, toi tu as 3 en volonté. Vois-tu quelque chose qui pourrait te permettre de lancer plus qu'un dé positif ? J'étais plus près, c'est pour ça que j'avais la poussière de squelette. C'est un peu choquant. Non, à part effectivement, moi aussi j'avais bien pensé utiliser mon... Ton trait négatif distrait, non ça ne manque. Non, myope. Mais sinon, non, je ne vois pas ce que je peux... T'as un esprit scientifique, on pourrait presque tourner ça de manière à ce que tu ne crois pas vraiment ce qui vient de se passer, ou que tu vois ça de manière très scientifique, je ne sais pas. Ouais, enfin là... Ah, ça reste un ami de 30 ans quand même. Allez, lance un dé. Ça va faire mal. Tu l'as connu tout petit haut. Oh putain. Non, que dalle. Rien à péter. C'est un 1. C'est réussi. Avec un 1, et donc tu ne prends qu'un seul point de stress. Et pour finir, Lucas. Oui. Lucas qui a 3 en volonté également. Moi, il n'y a pas de tri qui entre en ligne de compte là, je pense. Je ne pense pas que tu as bonne mémoire depuis cet été, effectivement. Ouais, je préfère ne pas me souvenir de ce que je viens de voir. Merde. 5, c'est raté. Et donc, c'est 3 points de stress pour toi. Mm-hmm. 3 points de stress mental. Alors, je le répète, hein, le stress est assigné à chaque caractéristique physique, mentale ou sociale. Donc là, c'est du stress mental que vous venez d'encaisser. Voilà. Tu dois te demander comment tu vas expliquer ça à sa nièce. C'est ça. Ah bah là, ça va être un peu gênant. Surtout que je ne sais pas qui va nous marier, du coup, mais on est un peu dans la merde. C'est un problème pour le futur toi, peut-être. Alors, que faites-vous ? En fait, t'es en train de refaire tout le plan de table et tout. Totalement. Et donc, que faites-vous, messieurs ? Elodie et les filles ont disparu dans les airs. Vous ne les voyez plus de là où vous êtes. Vous ne voyez qu'un squelette pathétique à l'entrée de la terrasse. J'essaierais bien d'aller dans la cuisine, mais il n'y a pas de porte dans ce salon. Alors, effectivement, j'ai pas dessiné les portes. Uh-huh. Moi, je crois que je cours vers la cuisine. Il y a aussi une porte-fenêtre. Ici, c'est plutôt véranda. Là, c'est porte-fenêtre et là, c'est véranda. Alors, qu'est-ce que t'appelles ? Non, il n'y a pas de véranda. C'est bien. Ce sont juste des portes-fenêtres. Pas grande baie vitrée, quoi. Ouais, grande baie vitrée. Mon Dieu, mais cette maison n'est plus que porte. Mais moi, je me précipite vers la terrasse pour m'assurer de ce que j'ai vu. Enfin, je m'interpose en te disant attention, approche doucement, il y a peut-être encore quelque chose. Vous pouvez quand même apercevoir une soucoupe volante qui s'éloigne de la maison. Vous entendez quelques bruits même retentir. Effectivement, la soucoupe volante semble lancer des rayons à droite et à gauche. Alors parfois des rayons assez larges, comme celui qui semble avoir capturé la femme et les enfants de Jordi, mais également d'autres rayons plus ténus, comme ceux qui semblent avoir réduit Jordi en poussière. Alors je ne veux pas faire des suppositions hasardeuses, mais s'il ne kidnappe que des femmes et des jeunes filles, je crains que ce soit des extraterrestres tentaculaires. Dégueulasse. Ce serait bien que vous mettiez une petite photo de vous. Ouais, j'essaie, mais je sais pas faire. Comment on te fait ? Tu ouvres ton personnage, tu fais Edit, et tu fais. T'as un avatar en haut à gauche, et tu fais Click to Upload, et tu choisis une photo. Ouais, mais comment après tu la mets dans le. Quand tu la déplaces sur. Je suis la drag and drop ? Oui, tu drag and drop ton nom sur Roll20 en fait. D'accord. Non pas l'image, mais le nom. Ça marche. Ouais, une fois que t'as sauvé, tu peux déplacer. Je suis pas trop sûr d'avoir ça, malheureusement. Ah, d'accord. Alors même si c'est une photo de pas vous, hein, c'est pas grave. Une photo d'un mec, déjà, ça sera bien. C'est juste pour savoir où vous êtes, quoi. Et ce que vous faites. Ouais. Donc, nous avons Benoît et Manu qui sont près de la baie vitrée et qui voient cette soucoupe s'éloigner. Lucas, que fais-tu ? Écoute, j'appelle la police. Très bien. Tu décroches ton téléphone et tu appelles la police. Ça sonne. Emric. Moi, je cours toujours vers la cuisine. Ah, tu vas vers la cuisine, ouais, tout à fait. Et ben donc tu rentres dans la cuisine. Alors, tu vois qu'il y a manifestement le micro-ondes qui se trouvait par là à exploser. D'accord. Ok. Et les lumières ont arrêté de clignoter d'ailleurs. Elles se sont éteintes. Ok. Lucas, tu tombes sur la police. Oui. Donc ça décroche. Tout à fait, ça décroche. Oui. Oui. Bonjour. Bon, je vais dire mon nom, Lucas. Je suis. Quel calme pour quelqu'un qui vient de voir son oncle. Oui. Son oncle par alliance mourir. C'est con, je ne connais plus l'adresse. Oui, il y a. J'aurais mieux que tu la donnes pas, c'est pas grave. Ouais, c'est ça exactement. Mon oncle par alliance vient de se faire désintégrer et sa femme et ses filles ont été enlevées au secours. Mais par qui ont-ils été enlevés que... Bien, c'est ça le plus étrange. Il semblerait que ce soit par une soucoupe volante qui soit en train de flinguer d'autres personnes du voisin. Paf, ça coupe. La communication est coupée. Là, vous commencez à entendre du bruit autour de la maison. Une espèce de bruit un peu bizarre et des tirs qui se rapprochent. Vous ne voyez plus de soucoupe autour. Il n'y a plus de lumière dans le... Plus de lumière, plus de bruit laser. Ça aurait une photo de mon chat, j'ai trouvé que ça. C'est trop mignon. Ça sera suffisant. Que faites-vous ? Eh bien moi, je vais voir en ligne s'il y a des infos sur ce qui serait en train de se passer. Alors tu vois effectivement des vidéos, des témoignages partout, d'attaques sur toute la Terre, de soucoupes du même type. Et tu vois même quelques vidéos d'humanoïdes qui semblerait également attaquer un peu partout. Du coup, la télé marche ou pas, ou tout a éclaté? Ce qui était sur le courant a éclaté? Non, non, tout n'a pas éclaté, non. Bah, j'essaie de trouver les infos. Tu allumes la télé et tu vois que elle n'est pas branchée à... Elle est branchée à une console, mais elle n'est pas branchée à l'antenne. Il n'y a pas d'antenne. Donc tu ne captes pas les chaînes de télévision. Moi, je me dirige vers l'autre fenêtre, celle qui donne sur la rue. Ouais, de l'autre côté, ok. Et je regarde s'il y a du mouvement, s'il y a quelque chose, mais sans sortir. Hein, Tu vois un mouvement furtif par là et qui semble contourner la maison sur le côté. C'est très furtif. Et je dis les gars, chut, arrêtez tout, taisez-vous et faites pas de bruit. Il y a quelque chose dans le jardin. Moi, je fouillais pour prendre des couteaux de cuisine et je m'arrête quand j'entends Manu dire ça. D'accord. Tu as le temps de prendre. Tu prends le temps de prendre un couteau quand même. Il y en a qui sont directement visibles depuis le. Enfin, sur l'établi de la cuisine. Ben, moi, je saisis mon opinel dans mon sac. Très bien. Donc, ceux qui ont un couteau gagnent un dé positif et plus de dégâts en cas d'attaque et de succès. Je vous laisse noter ça. Lucas, tu fais quoi? Ben, je fais pas de bruit, déjà. Et je m'éloigne de la fenêtre de la terrasse là pour m'approcher un peu par là. Ok. Toi, Benoît, du coup, tu étais plutôt près de la télé, non? Parce que tu regardais tu checkais la télé. J'ai attrapé mon sac, donc je suis revenu près de la table. D'accord. Vous entendez des bruits de pas sur la terrasse. Oui, pardon, Manu. Moi, j'éteins la télé, en fait. Ok. Pour éviter qu'elle fasse de la lumière. En fait. Des bruits de pas sur la terrasse? Ouais. Je vais essayer de me rapprocher pour essayer de jeter un œil pour voir ce qu'ils semblent. Sans trop essayer de me faire voir, quoi. Alors, tu vas me faire un jet de discrétion. Donc un jet de dextérité. Adieu, c'est sympa. Un jet de dextérité. Tout à fait. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait me permettre d'aider un petit peu? Alors, il n'y a plus de lumière et nous sommes à peu près 17h. Donc, je t'accorde un dé positif. C'est gentil. Donc, je lance 2 dés et j'essaie de le faire sous ma dextérité. C'est ça. Eh ben, putain, raté. Non, t'as réussi. Ah non, j'ai réussi. C'est inférieur ou égal. C'est une dextérité de 3, donc c'est réussi. Je suis dextre. J'avais oublié que je m'étais... Alors tu aperçois un petit gris, manifestement, qui a semble-t-il un cigare dans la bouche et un espèce de fusil dans les mains. Putain, c'est tellement Mars Attaque. Ok, alors je recule doucement, sans faire de bruit, et j'essaye de me diriger vers l'escalier du sous-sol qui est derrière moi. Je t'en prie, recule-toi. Tu vois effectivement cet individu qui passe... Devant la fenêtre, qui regarde brièvement, et donc là en fait, ça veut dire que t'as passé la porte et que tu es près de l'escalier du sous-sol. J'envoie un texto à Ben avec terrasse point d'exclamation. C'est très discret, merci. Non, t'as un gros bidoum. Ici, c'est un mur ou c'est du verre? C'est du verre. C'est un mur. Alors, est-ce que je peux me mettre ici? Il y a un verre. Hein. Alors ici, ici effectivement, c'est un mur. Je me déplace en embuscade. Vous voyez donc l'alien qui s'approche ici et qui voit manifestement Lucas et qui commence à épauler son fusil. Que faites-vous? Eh bien, je me jette pour saisir son fusil et le changer de direction et je le stab à la jugulaire. Très bien. Eh bien, je te demanderai de faire un jet de dextérité. Tu as donc un dé positif de base. C'est un bagarreur et il est petit, hein, ceci dit. Et il est gris aussi. Ceci dit, c'est plutôt contre lui, il va vouloir se battre que ça va jouer. Donc toi, tu es un pousse-caillou, donc tu vas avoir un dé supplémentaire. Oui. Et t'essayes de le stabber avec ton couteau, c'est ça? Oui. D'accord. Néanmoins, il était en train de... Voilà, il est quand même aux aguets, il a son arme, donc tu vas lancer également un dé négatif. Ce qui fait donc un total de 3 dés positifs, puis ensuite tu lances un dé négatif. Ou alors tu lances 4 dés, on considère que les derniers sont négatifs, je sais pas, comme vous voulez, c'est pas... Je me rends pas compte de ce que ça va faire, là. Donc, tu as un 5, un 2 et un 3 en positif, et un 1 en négatif. Oui, c'est ça. Donc, tu arrives à le faire 2 succès à ton attaque, donc il se prend plus de dégâts, hein, c'est ça? Donc il se prend 4 points de stress, pas mal. Comment tu calcules du coup la réussite? Bah, t'as fait 2 réussites, t'as fait un 2 et un 3. Le 5 est un échec, parce que t'as 3 en dextérité, donc c'est au-dessus. Par contre, 2 et 3 sont inférieurs ou égaux à 3. À ta dextérité de 3, donc ça fait 2 succès. Ça fait un dégât par succès, plus les dégâts de ton arme. Si t'étais à main nue, disons, t'aurais fait 2 dégâts, tu vois. Mais le couteau te donne plus 2 en dégâts. Et donc le dé négatif, s'il avait été au-dessus, il m'aurait retiré une réussite? Non, ça... Non, non. s'il avait été égal à un des dés, si, par exemple si ton dé négatif avait été 2, 3 ou 5, tu enlevais le 2, le 3 ou le 5. Donc si ça avait été 5 par exemple, ça supprimait même pas un succès et tu chopais pas un point de stress. Parce que là par contre, en t'avançant, il te file quand même un petit coup de coude et tu te prends un point de stress physique. Ok. À cause de ton dé négatif. Mais tu lui as infligé 4 de dégâts, ce qui est pas mal. Néanmoins, il va essayer de se défendre et de récupérer l'usage de son fusil. Lui-même va donc lancer... Alors, il est petit, donc il aura un dé négatif, mais par contre, il est bagarreur, donc il va avoir un dé positif de plus, ce qui fait lui donc 2 dés positifs et un dé négatif. Eh bien, il se prend un point de stress de plus, mais réussit son action. Il arrive donc à arracher le fusil, à récupérer son fusil, et il est prêt à faire feu. Lucas, que fais-tu ? Je prends une chaise et je lui jette à la tronche. Très bien. Eh bien, je t'en prie, réunis ta poignée de dés. Pense dans la Valkane... Enfin, pardon, Ebrick, que fais-tu ? J'entends des bruits qui viennent d'à côté, je suppose. Et est-ce que avec la porte, je vois ce qui se passe avec la... Ah, difficilement, non. Là où t'es, tu vois pas. Non. Non, t'entends juste des bruits de lutte. Certainement des grognements de Benoît et des glapissements un peu bizarres. Moi, ouais, je vais jusque là. Je vais essayer de voir ce qui se passe. Ok. Manu, que fais-tu ? Je vais essayer de me rapprocher en fait, mais je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Eh bien, c'est pas grave. Mais j'essaie de me rapprocher déjà. D'accord. Lucas, tu me fais un jet s'il te plaît. Jette la télé. Du coup, est-ce que assistance d'un... Ah, le chat s'est transformé en Emmerich. Et ouais. C'est un animagus. Si seulement j'aurais plus de chances de survivre à cette aventure. Est-ce que j'ai plus qu'un dé ou c'est nul là ? Parce qu'il me semble que j'ai qu'un dé. Bah de base, t'as un dé, ouais, effectivement. Bah ouais, là, j'ai pas de trait positif. Après, je sais pas, qu'est-ce que t'as en physique, toi ? En offensif, j'ai 2. Tu n'es jamais malade, ce qui est bien, mais... Ça ne servira pas. Ça ne t'aidera pas. Par contre, tu es un peu raide. Alors, raide, ça va peut-être pas t'aider pour lancer une chaise, quand même. Hein. Donc ça te fait un négatif. Ah, je fais pas un grand écart, là, je lance une chaise. Et en plus, il y a Benoît qui est quand même un peu sur le passage. Donc ça te fait un dé négatif de plus. Donc tu vas me lancer un dé positif et 2 dés négatifs, s'il te plaît. C'est un 6, donc c'est un échec. Et 2, 4. Donc en plus, les chaises sont lourdes. Et effectivement... Elles sont lourdes, je ne mens pas. Et donc tu te fais très mal, tu te fais très mal en essayant de soulever la chaise que tu jettes pitoyablement à un mètre devant toi. Faut que j'arrête d'essayer de faire des trucs. Donc tu te prends 2 points de stress physique. Du coup, l'alien pointe son fusil sur Benoît et tire. Alors, ceci dit, il est au corps à corps, donc il a quand même un dé négatif. Il a un dé négatif parce qu'il est petit et que ça, effectivement là, si proche que ça, ça va pas l'aider. Par contre, il est bagarreur, donc il a 2 dés positifs et 2 dés négatifs. Ah là là. Là. Donc Benoît arrive à quand même lui coller une droite avant qu'il ne tire, mais l'alien fait quand même un succès. Il fait quand même un succès. Et ça veut dire que Benoît, tu te prends 7 points de stress physique. Oh. Un rayon calorifique qui te percute de plein fouet. Ah ouais ? Ah oui, bah, il rigole pas. Bon, merci de votre soutien, les gars. T'es à combien de points de stress ? T'es pas à 10 là, rassure-moi. 8. Alors il se prend quand même, hop, il s'en prend quand même 2 lui, hein, du coup. Eh bien, que faites-vous ? Bah, je viens de voir ça. Moi, je fonce sur le petit gris et je me jette dessus, le couteau en avant, et j'essaie de l'immobiliser en lui faisant une clé de bras. Alors, tu ne veux pas le frapper avec le couteau, donc ? Si, si. D'accord. Si, si, je le frappe avec le couteau. Une fois que le couteau est dedans, je bloque le bras. D'accord. Voir, je fais un petit kataguruma des familles, là, histoire qu'ils comprennent bien d'où... Moi, l'idée c'était de pousser la table sur l'alien, mais là ça va être compliqué. La table est énorme, elle est vachement lourde. Oui, mais justement la pousser. Ça a l'air d'être un truc vraiment particulier, ta table, Jordi. Je l'ai jamais vu encore, mais j'ai l'impression que. Oui, mais ça c'est pas grave. Et elle ne passera pas la porte-fenêtre aussi. C'est une très belle table carrée en bois. Voilà. Oui, elle ne passera pas la fenêtre. Effectivement, ça va être compliqué. Et bien donc, à ce moment-là, je me précipite pour aider Emmerich, en fait. D'accord. Lucas ? Oui, tout pareil. C'est pas ? Ok. Benoît, tu prends le coup de plein fouet, donc effectivement, voilà, c'est un peu compliqué pour toi là, d'aider. Tu suffoques un peu, c'est un peu... Tu souffres quand même atrocement. Mais je vais plutôt aider Benoît, tiens. Je vais le mettre en position latérale de sécurité. Très bien. Ok, donc Aymeric, bah, tu vas me faire ton jet d'attaque. Donc tu as un dé positif de plus grâce au couteau de cuisine que tu as récupéré. Tu as également un dé positif de plus grâce à Manu qui t'aide. D'accord. Tu as quand même un dé négatif parce que voilà, je pense que c'est quand même une situation un peu étrange et inhabituelle pour toi. Ouais, mais je propose d'utiliser mon passé sportif et mes 12 ans de judo pour aller y mettre un grand coup dans les dents quand même. Hein. Très bien. Et ben donc ça te fera un dé positif de plus. Donc nous sommes donc je crois à 4 dés positifs. Ouais. Et un dé négatif si j'ai bien compté. C'est ça. Avec le judo c'était pour la défense mais. Ouais. Mais bon une fois. C'est la version officielle. Là tu vois il y a un moment le judo ça se défense il y a un moment où quand même. Alors nous avons 6-6-3-3 et le négatif est un 4. Dextérité. Donc tu te précipites sur lui, tu fais donc 2 succès. Mm-hmm. Tu fais donc 2 succès ajoutés aux 2 de dégâts du couteau de cuisine, ça nous fait 4 de dégâts. Donc tu planches le couteau à la base du cou. Et la hyène pousse un dernier glapissement et s'effondre au sol. Tu retires la lame du couteau et ce faisant, tu te coupes un petit peu, tu prends un point de stress physique. Ça, c'est mes deux mains à gauche. Le couteau de cuisine, c'est pas fait pour planter les gens. Eh oui. Et pourtant, la fameuse technique du haut couteau de cuisine, au couteau de salle à manger. Ouais, mais là, t'es dans une salle à manger, justement. La technique de couteau de cuisine, ça marche pas, quoi. Ça marche moins bien. J'aurais dû utiliser le couteau de salle à manger. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ok. Lucas, donc tu vas sur, tu vois Benoît et donc il était touché de plein fouet. Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Il est encore conscient du coup ? Oui. Mais je l'adosse contre un mur. Ça fait quoi en gros le rayon ? Ça lui a cramé le. Oui, c'est un rayon calorifique, donc ça l'a brûlé effectivement. Ça l'a brûlé. Probablement au torse vu les dégâts qu'il a pris. Yes. Et j'ai perdu le t-shirt favori. C'est probable. Et ben. Pour une brûlure, il faut de l'eau à température ambiante. Ouais. Donc on va te faire couler un bain, si ça te... Ou un corps gras, style biafine, etc. etc. Ouais. Ok. Soit on le plonge dans l'eau, soit on l'enduit d'huile d'olive, au choix, mais il va falloir... Tu vas faire un jet de logique, pour essayer de le soigner un petit peu. Elle a eu en logique, donc j'ai une bonne mémoire. Est-ce que ça m'aide à me souvenir ce qu'il faut pour soigner les brûlures ? T'as une bonne mémoire, tu sais que bah, tu sais qu'on a des médicaments et tu sais à peu près où les trouver. Tout à fait. Donc ça va te faire un dé plus, effectivement. Donc 2 dés positifs, c'est ça ? Non, mais c'est quoi cette... Par contre, t'es un peu hésitant, donc tu sais pas trop ce que tu dois utiliser ouais. Ou pas. Donc ça va te faire un dé négatif. Donc 2... Plus le dé positif de base. Et 5 et 4, c'est donc raté. Quelqu'un t'aide peut-être ? Moi je peux l'aider, oui, parce que je vois à peu près où doivent être les médicaments. Ouais. Et bah, donc tu veux lancer un dé de plus alors ? Voire 2 avec l'aide de Volcan ? Ouais, carrément. Je vais fouiller si on me dit où c'est, parce que je connais pas du tout la maison. Moi. Parce que l'idée du bain, c'est quand même mieux, parce qu'il faut d'abord éviter la surbrûlure en refroidissant. Ouais, tout à fait. Ouais, l'idée, c'est quand même qu'on le laisse. Après, tu peux aider Aymeric sans forcément, pas forcément par rapport aux médicaments, mais en soutenant Benoît, par exemple, pour l'amener au bon endroit, etc. On peut le soutenir pour l'amener à la salle de bain déjà, parce que c'est vrai que... Et ben, ça fait 2 et 5, donc ça fait un succès, et le 5 est annulé, le 5 du stress est annulé par un... Enfin, du négatif, pardon, est annulé par un 5. Donc tu n'as pas de stress, et tu réussis, effectivement, on va dire, réduire de 2 points de stress le total de notre ami Benoît. Benoît, te penches-tu sur ton stress pour évaluer tes blessures ? Ou préfères-tu attendre d'arriver à 10 et de mourir ? Je pense qu'effectivement, j'accuse le coup. Ce qui est triste, c'est que du coup, si je prends un trauma, je ne retire que 3. T'as combien de stress ? 6. T'as 6 points de stress ? Donc tu prends un trauma de niveau 2 et tu retires tout ton stress. On retirait juste un ? Non. Du coup, je regarde Manu, je fais « Mais c'est quoi cette merde ? Qu'est-ce qui se passe ? Au secours ? » J'en sais rien. Complètement. Donc juste, pardon, tu prends un trauma de niveau 2, Benoît, et qu'il faut que tu décrives. Enfin voilà, j'ai parlé d'une brûlure au torse, mais bon, quelque part, c'est à toi de me dire en fait ce que t'as. Benoît ? Effectivement, je l'ai pris sur l'estomac, là, sur le ventre, heureusement ayant une poche abdominale assez conséquente. La brûlure a été assez bien, la chaleur a été assez bien répartie. Donc tu souffres d'une sévère brûlure ventrale alors, c'est ça ? J'ai une brûlure au moins au deuxième degré. Donc là, je suis à fleur de peau. Très bien. Et mon t-shirt est mort. Non, que faites-vous ? Moi, j'aimerais bien étudier l'espèce de truc là qui nous a agressé. Ce qu'il a utilisé comme fusil, ça ressemble à un fusil qui est comme le nôtre. Oui, parce qu'ils ont des mains. Hein. Voir ce qu'il avait dans la bouche aussi, quand je l'ai vu passer dans la cuisine. Là, il avait une espèce de cigare dans la bouche. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un cigare. Un vrai cigare. Un cubain, justement. Ah ouais. Oui, c'est un cigare. Et effectivement, le fusil qu'il a dans les mains, ça ressemble assez bien à la technologie humaine, puisque tu vois une gâchette. En fait, tu remarques que les petits gris ont aussi effectivement des mains comme nous autres humains. Okay. Même s'ils n'ont que quatre doigts. Ils ont tout de même un pouce au potable. Il y a des inscriptions, il y a des lumières qui clignotent, il y a quoi? Oui, il y a effectivement des lettres dessus. Après, à quoi elles servent, etc., c'est compliqué à dire. Il y a des inscriptions, mais que tu ne comprends évidemment pas. Ramasses-tu le fusil? Ouais. Ok. Donc tu peux noter fusil à rayon calorifique qui fait plus 6 de dégâts. Mais il n'y a pas de dépositif ou de négatif à l'utiliser. Ah, vache, pas mal. Les autres, qu'est-ce que vous faites, Manu ? J'aide Benoît à monter au premier étage. D'accord, monter au premier étage. Pour le mettre dans la baignoire. Lucas ? Ouais, pareil, il faut le faire trampouiller là. Ok, ouais, non, bah ça je considère que c'est. Voilà, enfin, vous avez apporté les soins que vous pouviez lui apporter. Ah, d'accord. Vous le laissez tremper ad vitam aeternam dans la baignoire ou... Non, c'est juste le temps que la brûlure se stabilise un peu, quoi. Ah, le temps d'arrêter la brûlure, en fait, qu'il arrête de cuire, en fait. C'est... Mm. J'y reste au moins bien 5 minutes et après je mets de la bille à fil. Bah, un petit peu plus. Hein. Mais un petit peu plus. Je pense. Ce que t'as mangé, moi je te laisserai peut-être un quart d'heure dedans, quoi. Vous recommencez à entendre des bruits de laser et de soucoupe qui se rapprochent. Moi, je vais dans le garage. Je propose qu'on rentre le cadavre. Ouais, complètement. On rentre le cadavre à l'intérieur et puis on l'emmène éventuellement au sous-sol. Soit au sous-sol, soit dans les chiottes, je sais pas. Enfin... D'accord. Vous le balancez dans le sous-sol, très bien. Ça me va. Enfin, ça me va. C'est pas toi qui va ranger, c'est ça? Ah bah, c'est plus moi maintenant, oui. Donc, Lucas, tu vas dans le garage pour chercher quelque chose de particulier ou... Je cherche une arme. Ah, tu cherches une arme. Qu'est-ce que tu cherches comme arme ? Une masse, t'as pas de hache, t'as peut-être un gros sécateur mais bien coupant. T'as pas... Il a des grands arbres dans son jardin. Hein. Une grenade thermonucléaire. T'as pas une tronçonneuse ? Je sais pas, pas dans le garage en tout cas. Tu prends un rotofile et tu attaches un couteau. Il n'y a pas de rotofile dans le garage. Par contre, il y a une cabane dans le jardin. Tout à fait. Et là, vu que ça commence à tirer à l'extérieur, faut peut-être mieux pas aller dans le jardin. Exactement. Ouais. Donc, je repose ma question. Est-ce que j'aperçois quelque chose qui peut servir d'arme dans le garage ? Non. À part des boîtes de jeux de société. Tu ne trouves pas de quoi te servir d'arme dans le garage. Genre, t'as pas des produits chimiques, t'as pas de l'huile, t'as pas des trucs comme ça qui traînent, des bidons ou autre. Alors, tu peux trouver des détergents, effectivement, dans le garage. Ouais. Ah, c'est pas con, ça. Je pense que quand il cherchait une arme, je pense qu'il cherchait plus une masse. Une masse, ouais. Des outils. Attends, t'as de l'engrais ? Une grosse clé à molette. T'as des sacs d'engrais chimique ? Non, pas dans le garage. Pas dans le garage, chiotte. Une grosse clé à molette. Dans le... Alors, t'as une trousse à outils dans laquelle tu peux trouver un marteau, des tournevis et une clé. Ben voilà. Anglaise. Pas une clé anglaise, une clé à molette. Eh ben écoute, je prends le marteau et j'amène la trousse à mes amis, à mes camarades d'infortune. T'as un poste à souder. Très bien. On va dire que tu gagnes. J'irai bien dans la cuisine pour essayer de trouver du sucre en poudre. Et un peu de sucre en poudre. Ouais. Alors, tu peux trouver du sucre en poudre dans le garage, en fait. Lucas pourra te le dire, pour avoir fouillé le garage. Ok. Ok. Alors, ceux qui veulent prendre tournevis, ce sera comme un couteau de cuisine, mais sans le dépositif. Donc, ce sera juste plus de dégâts. Et le marteau, ce sera pareil. Plus de dégâts et pas de dépositif. Ok. Par contre, il y a d'autres couteaux il y a un autre couteau de cuisine que vous pouvez trouver dans la cuisine qui peut vous servir. Donc, c'est un dépositif et plus de en dégâts. Et est-ce que tu as un fer à souder ? Non, tu ne vois pas de fer à souder. Moi, j'aimerais bien que Ben, qui est quand même un ancien militaire, il prenne le fusil. Parce que, a priori, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais utilisé l'arme à feu. Non. Moi, oui, mais j'accuse le coup. Donc, ouais, je sais bien. Je peux vous apprendre à peu près comment tirer, mais il n'y a rien de bien compliqué, en fait. Hein, il suffit de... Ouais, il y a un bout qu'il faut pointer sur le méchant et puis il faut appuyer sur le bouton, mais... Manu, pendant que Emmerich regarde son fusil nouvellement acquis et que Lucas fouille le garage et que Benoît baigne dans son jus, que fais-tu ? Moi, j'essaie de rassembler, de pousser la table un peu devant la porte-fenêtre, d'essayer de limiter le passage, en fait, en rassemblant des meubles. Voilà. Une petite barricade, c'est pas con. Hein. Benoît, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu sens que le bain ne va pas forcément t'aider plus que ça maintenant. Manu, Lucas, vous savez où il garde son matériel de jardin Oui, dans la cabane à jardin qui est sous la soucoupe volante. Dans la cabane du jardin. Et où? Parce qu'il y a deux façons d'aller au jardin. Est-ce que vous croyez qu'on peut y aller discrètement dans la cabane ou pas du tout? En fait, il faut traverser la terrasse. Ouais. Ah oui, c'est de l'autre côté. Ok. En fait, pour vous deux, si, je ne sais pas si vous voyez si je ping, mais en gros, elle est là. Ah oui, d'accord, ok. La maison commence à trembler. Vous voyez un espèce de rayon de lumière. Enfin, vous sentez que la lumière s'accroît autour de vous et la maison commence à trembler. Légèrement pour l'instant. On va chercher Ben, là. Benoît, tu fais quoi? Ben. Du coup, j'attrape de la biatine et j'ai l'impression que j'ai pas spécialement plus de temps pour que ça, donc je descends. Ok, la maison tremble de plus en plus, donc vous vous retrouvez... Je propose qu'on se précipite au sous-sol. Ah, c'est pas con, ça. Ouais, bah je vais aider Ben, moi, parce que je pense qu'il va pas être frais, donc je vais lui filer un coup de main pour descendre les escaliers et descendre au sous-sol. Ouais, tout à fait. La maison tremble, vous voyez que les murs, à la base, commencent à se faire arracher. Ouais, bah dans le sous-sol, normalement, ça va pas partir avec. Ok, croise les doigts, je sais pas, c'est... Ouais. Les portes se font arracher, le mur du sous-sol... arrache aussi. Bon, sinon on sort là. Ouais, très bien. Le sous-sol aussi s'arrache. Alors les murs, enfin tous les murs qui encadrent ici la porte du sous-sol, oui, tous ces murs là s'arrachent, mais l'escalier est toujours là pour l'instant. C'est un escalier en bois qui tangue un peu, mais il est toujours là. Je sais pas, Ben, on descend ou pas du coup? T'en penses quoi, toi? Moi je suis descendu, mais est-ce qu'on va dans le sous-sol? Ouais, c'est une très bonne question. Sinon on chope les clés de la voiture qui sont là et on chope la voiture qui est là. Ok, ça me paraît être un bon plan, ça. La maison se soulève entièrement et vous voyez une soucoupe qui effectivement tracte la maison et la projette sur la maison d'un voisin un peu plus loin. Tout s'écrase dans un fracas assourdissant. Et ton voisin dont le chien vient chier dans ton jardin, c'est ça? C'est des chats. Ah. Effectivement, vous voyez tous les chats qui se font viser par des tirs de laser, hein, et qui se font tous carboniser les uns après les autres. Ça, c'est... Dans vos gueules, les chats, ça vous apprendra à chier dans mon potager. C'est moi qui décide. Petite vengeance personnelle. Donc, vous vous retrouvez, en fait, à l'air libre, hein, tout simplement. Ouais. Vous avez le mur arraché avec, effectivement, un trou qui tombe vers le sous-sol, avec un escalier qui a quand même subi quelques dégâts, mais qui est encore là. Qu'est-ce que vous faites? La voiture, ça me paraît, c'est une bonne idée, Lucas. Est-ce qu'il y a toujours les clés ou est-ce qu'elles ont été emportées avec le reste du... Ah bah, le mur a été arraché, donc les clés sont parties avec la maison. Ouais, bah, j'espère que vous savez tripoter les fils. Oui, mais nous, on est venus avec deux voitures aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes censé avoir des caisses aussi. En fait, il y a Manu qui est venu avec sa voiture. Ouais, moi j'ai pris les transports. Benoît, certainement. Je pense qu'il y a Manu et Benoît qui ont leur voiture. Bon, qui est la plus rapide? Tu peux dire que t'as une Porsche, hein, personne n'ira vérifier. Ah bon, t'as pas été obligé de remplir ton attestation de patrimoine pour jouer à cette partie? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez une autre soucoupe qui commence à se rapprocher. On se barre, on prend une caisse, je sais pas. On se casse. Laquelle? Elle est où ta caisse, Ben? Qui va dans quelle caisse? De toute façon, on a chacun nos clés et c'est la voiture la plus proche, en fait, qu'on va réussir à ouvrir. C'est ça. Et donc, c'est laquelle? Je conduis pas. Hein. Donc, il vaudrait mieux que tu prennes ta caisse, Manu. Et... Ouais. Bon, allez, hop. Et la mienne. Parce que la mienne est toujours garée au même endroit. Et je te dis surtout, n'allume pas les phares. Donc, vous montez dans la voiture. Effectivement, le crépuscule commence à se faire, même si c'est encore léger. Donc tu montes dans la voiture et tu pars où? Je me dirige vers le bas de la ville. Et donc là je vais poser la question qui va faire rigoler tout le monde. Qui prend la place du mort? Qui est l'avant et qui est à l'arrière? Bon bah je vais devant pour faire GPS. Très bien. Ok. Ah mais non, on a plus de satellite, bon c'est pas grave. Tu commences à rouler et tu descends vers le bas de la ville. Et là vous tombez sur une soucoupe qui est en train de canarder une foule. Une foule qui était sortie dans les rues et qui court dans tous les sens. Vous voyez des gens se faire, carbonisés, certains se faire enlever, c'est au hasard. Ils ont l'air de vraiment faire au hasard, quoi. Y a pas de, vous voyez pas de schéma particulier, ça canarde dans tous les sens. Et les gens fuient en hurlant, certaines voitures explosent, d'autres sont soulevées dans les airs et soit sont projetées quelque part, soit sont aspirées directement dans une soucoupe. Vous croyez que ça vaut le coup que j'essaie de mettre un coup de fusil là-dessus ou... Non, ça sert à rien, on est d'accord. Non, non. A priori, c'est un fusil qui chauffe, donc du métal, ça va pas. Ouais. Ça devrait pas faire grand-chose, c'est sûr que c'est très efficace. Non, bah cassons-nous. Hein. Donc, Manu, tu essaies de fuir et de traverser la foule? Non, je bifurque, quitte à passer à travers, enfin, à sortir de la route, en fait. Ok, je vais te demander un jet de logique, du coup, pour essayer d'esquiver sans te faire trop remarquer de la soucoupe. Ok, après, oui. Alors, quels sont les dés positifs que tu peux réunir et les dés négatifs? Alors, dés négatifs, déjà, y a la foule, il y a quand même pas mal de monde, plus la soucoupe, donc ça va te faire deux dés négatifs. En dés positifs, donc tu as un dé de base. Ton esprit scientifique, je pense, te permet de rester un peu froid et garder la tête froide. Peut-être peux-tu trouver une aide supplémentaire. Ah, peut-être que Lucas peut me préciser par où il faudrait qu'on passe. Tout à fait. Par exemple, tout à fait, donc ça te fait un dé de plus. Un dé de plus, puis là, je pense que la voiture, tout simplement, est un équipement qui te permettra de te barrer plus facilement que si tu étais à pied. Ce qui fait donc 4 dés positifs et 2 dés négatifs. Oh, 1, 6 sur le G. C'est beau. Positif, et 6 et 1 sur le négatif. Donc tu pouvais guère faire mieux, puisqu'en fait, ton 6 annule un 6, ton 1 annule un. Tu n'as aucun dé négatif, tu prends aucun stress. Et tu as 2 succès. Donc ce qui est largement suffisant pour esquiver. Esquiver cette foule. Donc vous repartez un peu vers. Du coup, en fait, tu traverses un pont et tu te retrouves de l'autre côté de la Seine. Et donc tu parcours une ville. Alors pareil, au loin, tu entends toujours des bruits de tirs, de survol de soucoupes, etc. Parfois des tirs plus. Enfin, vous entendez parfois des tirs plus terre à terre, hein, qui vous semblent plus proches du sol, donc certainement des aliens qui sont en train de patrouiller et de faire leur méfait quelque part. Mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes dans une zone plutôt calme. La soucoupe semble avoir continué de suivre la foule, et donc vous êtes actuellement tranquille. Tu peux donner des noms de villes ou faut pas? Bon, on va éviter. Du coup, on est sur l'île ou on est vraiment de l'autre côté de la Seine? Vous êtes de l'autre côté de la Seine. Dommage, parce que du coup, il y avait des urgences, non? C'est vrai. Ça a peut-être pu être une idée d'aller aux urgences. Souhaitez bifurquer sur l'hôpital, vous pouvez. Sinon, on peut essayer de viser un commissariat pour aller taper des armes ou une armurerie, enfin un magasin de chasse, je sais pas. S'équiper plus qu'un marteau et un tournevis, quoi. Moi, je pensais plutôt m'éloigner de la ville, en fait, m'éloigner complètement des villes, en fait. Ouais. Aucune idée de trouver un commissariat là-bas. C'est ça, un peu. Sans ça dans la forêt, qu'on torche les doigts, enfin tout ça. Quoi. Après, on peut essayer de trouver un grand centre commercial où il y aura plein de matos et autres. Mais pareil, enfin, c'est des grosses structures, donc c'est visible de loin et ça doit être envahi de saloperies. Hein. Vous avez accès à vos smartphones, donc vous pouvez très bien, vous-même en tant que joueur, regarder où vous voulez aller. Hein. Déjà, pendant que je conduis, enfin, tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, j'essaie d'éviter les endroits où je vois des soucoupes en l'air. Je sais où il y a un régiment... une caserne quoi, de militaires, mais il faut rouler au moins 30 km, je crois. Pas mal ça. Ou prendre l'autoroute, ce qui risque d'être vachement dangereux. Il n'y a pas des petits chemins sinon ? Des petits chemins vachement dégagés, des routes de campagne. Ou alors, du coup, on se planque dans la forêt, il y en a. Mm. Ça dépend ce qu'on veut faire à long terme. Bah ouais, l'idée là, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, moi, j'allume mon portable, je regarde un petit peu les infos, internet. Tu galères un peu à choper des infos, mais tu vois qu'effectivement, les nouvelles qu'il y a, c'est une attaque manifestement planétaire qui semble viser aussi bien des sites stratégiques que des villages dénués de tout danger. Enfin voilà, il y a pas de schéma, encore une fois. Ça tape un peu partout et au hasard. Ok. Et dans un bois, on attend la nuit noire. Le problème de la nuit noire, c'est que ça va être bien, mais sans les phares. Hein. Ouais. Ouais. Puis s'ils sont aussi avancés technologiquement qu'ils ont l'air de l'être, ils peuvent sûrement voir sûrement des trucs pour voir la nuit. Donc vous êtes en train de parcourir des rues quand le moteur s'arrête subitement. La voiture s'immobilise au bout de quelques dizaines de mètres. Putain, le plein d'essence. C'est pas le moment de nous faire un coup de la panne, là. Non. Ah, j'essaie de redémarrer, mais... bien de l'essence, bah en fait ça crépite même pas, il y a pas, les bougies ne font rien du tout, comme s'il y avait plus de jus dans la batterie. Et il faut qu'on descende. C'est probablement une impulsion électromagnétique. D'ailleurs, notre téléphone marche toujours. Okay. Pardon ? Notre téléphone marche toujours, là ? Ouais. Ok. Je comprends un moment de maison. Chelou. Vous descendez, vous voyez, descendant la voiture, vous repérez un groupe d'une quinzaine de civils qui se sont regroupés près d'un bâtiment. Ils sont tous plus ou moins armés et ils ont l'air de se planquer par là. Ok. Alors, quand je dis plus ou moins armés, c'est-à-dire qu'ils ont des... une batte de baseball, un bâton, enfin des... Un pied de biche, voilà, ce genre de... Un couteau, ce genre d'armes qu'on peut trouver plus ou moins facilement. Normalement, ça suffit pour tuer tous les extraterrestres. C'est ça. C'est ce que nous a montré... Monsieur Gordon. Half-Life, en tout cas, tout à fait. Je suis très triste, mais vu le quartier où on est à peu près, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de rejoindre des gens. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va les voir ? Est-ce que... Je sais pas... En tout cas, donc il y a quelqu'un qui vous remarque et qui vous fait signe de vous taire et de vous rapprocher ou de dégager, quoi. Pour qu'on dégage, non ? Ils visent les troupes de peur. Il y a certains qui sont en train de regarder au coin d'un immeuble vers une zone que vous ne voyez pas de là où vous êtes. D'accord. Bon, on va peut-être déjà se planquer entre deux immeubles, nous, non ? Je sais pas. Ouais, faut peut-être mieux qu'on fasse notre vie tout seul, parce que plus on sera nombreux, plus on sera visible. Quoi. Ouais. Ouais. Et puis on va peut-être aller à l'opposé de là où ils regardent. Ok. Donc vous essayez de vous barrer. Je vais vous demander de faire un jet de discrétion tous pour voir si vous arrivez à vous barrer de la zone sans faire de bruit et sans sentir l'attention de ce sur quoi ils sont en train de ce qu'ils regardent ou pas. Donc vous avez un dé positif, vous avez un dé négatif parce qu'il fait nuit. Alors je parle de faire de bruit, hein, je parle pas de ne pas être vu. Donc vous avez un dé négatif parce qu'il fait nuit et que vous y voyez mal, il n'y a plus de lumière. Néanmoins, il y a ces individus qui sont là et qui sont quand même plus visibles et moins discrets que vous, enfin, de base. Donc vous avez un dé positif grâce à ça. Est-ce que l'un d'entre vous veut apporter un autre dé positif ou négatif ? Non. Eh bien donc l'un d'entre vous va lancer ses deux dés positifs et un dé négatif, je crois, c'est ça ? Oui. Ouais. Moi je le fais pas, je fais que de la merde. Donc... On va faire un jet de groupe, hein, on va pas faire... J'ai ma Petzel qui est clair rouge. Je peux éclairer, mais en fait on voit pas de loin. Donc ça me permet de voir par terre quand même. C'est bien ça. Ça fera un dé positif de plus alors. 3 dés positifs. Allez, qui se lance ? Ah bah Benoît, vu qu'il apporte l'équipement, ça va être lui. Allez, 3 dés positifs, 1 dé négatif. Ah mais moi j'ai 2 dés négatifs. Non, c'est pas parce que t'as mal au ventre que tu vas faire plus de bruit. Sauf si tes tripes se répandent par terre, mais après c'est autre chose. Sauf si tu gémis. J'essaie de marcher pas forcément très rapidement et de pas faire de bruit. Donc si tu me dis je cours comme un dératé, je vais te dire oui, ça va te tirer carrément sur la blessure. Là, je vois pas de raison de te faire subir un malus pour ça. 6 et un négatif. Comment j'ai dit ? 3 positifs et un négatif. C'est ça. Un des 16, c'est beaucoup. Tu relanceras des 6, s'il te plaît. 5, ok. Donc vous prenez tous un point de stress. Alors, autre chose que j'ai oublié de vous repréciser, quand vous avez déjà 3 points de stress dans une catégorie, ouais. À chaque fois que vous prenez des dégâts dans cette catégorie-là, vous retirez un point de stress. Ça vous fait une résistance, en fait. Plus vous avez du stress dans une catégorie, et plus vous résistez au stress de cette catégorie-là. Donc à 3 points de stress, vous avez une résistance de 1, et à 6 points de stress, vous avez une résistance de 2. Ah. Mais par contre, vous ne pouvez jamais réduire à 0. D'accord. Ok. Voilà. Un stress physique. Donc c'est un stress quoi, là ? Physique. Là, ça va être un stress... Non, on va plutôt taper dans le... Même si je vous ai fait faire un jet physique... On va plutôt vous faire... Je pense que ça va plutôt vous choquer mentalement. Donc là, on est censé prendre un point de stress mental, sauf si on a déjà 3 en stress mental, non ? Alors, si tu as 3 en stress mental, tu réduis les dégâts de 1, mais jusqu'à un minimum de 1. Donc, vu que vous prenez un stress, de toute façon, vous prenez un stress. C'est si je t'avais dit, tu prends 2 stress. Oui, d'accord. Là, effectivement, tu n'en prenais qu'un, avec 3 de stress mental. Voilà. D'accord, ok. Mais il y a toujours un minimum de 1. Vous pouvez pas réduire à 0, malheureusement. Donc, vous commencez à vous éloigner, et c'est là que vous voyez, effectivement, les mecs qui se... Vous les voyez, en fait, se jeter... tous ensemble, contourner le bâtiment et commencer à courir vers une zone que vous ne voyez pas. Néanmoins, vous voyez des tirs de laser qui commencent à se faire et certains des hommes qui commencent à se faire carboniser, tel un Jordi en début de scénar. Ok. Mais vous arrivez à fuir la scène néanmoins. Que faites-vous ? Vers quoi essayez-vous de vous diriger ? Est-ce que vous essayez d'aller dans un bâtiment particulier ? Vous essayez d'atteindre une forêt ? Vous essayez de faire quoi ? Une forêt pour se planquer des soucoupes, c'est pas mal, mais... Benoît, toi qui connais bien le coin. Alors vous êtes dans un quartier résidentiel, des immeubles, quelques commerces de proximité. Voilà, voilà un peu la zone dans laquelle vous êtes actuellement. Il faut qu'on chope des vivres. Hein. Peut-être le commerce de proximité. Ouais. Ouais, faire quelques stocks d'eau et un peu de vie, ouais. On a plus besoin d'eau que de bouffe. Hein. Bah, de l'eau, de la bouffe, puis si on peut trouver des batteries et des trucs qui nous permettent de recharger les portables, parce que ça va être notre... Genre, va falloir quand même qu'on voit ce qui se passe un petit peu autour, s'il y a encore des infos et ce genre de choses, quoi. Et au pire, ça sert de lampe torche. Des lampes torches, ça serait une idée aussi. Ouais. Puis un t-shirt pour Ben, parce que ça commence à devenir un peu gênant. Là. C'est vrai. Il faut que je mette ma bille fine en plus. Dans l'idée de l'engrais chimique avec du sucre, on met ça dans une bouteille, une mèche, et puis boum. Hein. Bah ça peut marcher. Si je me souviens bien. Dice and Click, la chaîne qui vous apprend à faire des bombes. Si je me souviens bien de mes lectures des Anarchist Cookbook. L'école de Siri, pardon. Le problème avec les explosifs, c'est pas tant faire un explosif, c'est de faire un détonateur. C'est souvent ça qui craint. Ouais, non, là, c'est juste que... En fait, ça s'enflamme très, très... Enfin, tu mélanges les deux, ça s'enflamme bien et ça fait une espèce de boule de feu. Et ça, le problème, c'est qui va l'allumer. Bah, tu mets ça dans une bouteille avec une mèche, en fait. Enfin, avec un morceau de tissu imbibé et puis boum. Un torchon. Ouais. Okay. Juste un cocktail Molotov. Bah voilà. Ouais, tu peux faire un cocktail Molotov, sinon. Mais bon, après, faut retrouver de l'essence, du polystyrène, enfin bon. Voilà. Ou avec de l'alcool, ça marche pas. Petite bouteille de whisky. En tout cas, vous cherchez donc un petit supermarché, un truc comme ça, quoi. Ouais. C'est ça ? C'est ça. Petit vival. Ok. Un prix unique. Bah donc on part et on va faire un jet de logique pour savoir si vous arrivez à vous dépatouiller et à trouver ça suffisamment rapidement pour profiter du fait qu'il n'y a encore personne autour de vous. Vous allez avoir un dé positif, un dé négatif vu que bah, il commence à faire nuit et que ça devient compliqué de se repérer. Et je donnerai bien un dé positif puisque Benoît connaît un petit peu les lieux quand même. Donc il doit pouvoir se repérer. Et puis on peut peut-être utiliser un Google Maps, un téléphone en guise de lampe torche. Alors lampe torche, oui, ça, vous pouvez effectivement. Donc ça vous fait 3 dés positifs et un dé négatif pour l'instant. Allez, vas-y Emeric, je sens que tu es prêt à lancer les dés. Allez, on y va. Hop. C'est une réussite. Par contre, 6, 3 et 2. Ouais. Prenez tous un nouveau point de stress. Prenez un petit peu plus de temps que vous auriez pu. Et bon, voilà, vous regardez à droite, à gauche. Ça commence à être stressant, cette histoire. Vous entendez des bruits qui se rapprochent, qui s'éloignent. Donc, vous rentrez dans une espèce de supérette, effectivement. Donc, vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous m'avez dit. Hein, nourriture... bouteille d'eau, lampe torche et des batteries. Ça me paraît cohérent. Sac à dos ? Sac à dos, c'est peut-être plus compliqué ça, mais bon, tu peux trouver un... Un sac. Un genre de sac, en tout cas, oui, tu peux trouver ça. Un petit cabas avec les trois roues qui tournent pour monter les escaliers. Pratique, ça. Quick. Et merde. Autre chose ? Je sais pas, est-ce qu'ils ont de l'engrais ? Non, pas d'engrais. Non, ouais, pas d'engrais. Est-ce qu'ils ont des bouteilles d'alcool ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils ont des chiffons ? Probablement, oui. Est-ce qu'ils ont des briquets ? Tu trouves des petites culottes. C'est mieux que tu puisses trouver. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ah, on a perdu Benoît. Ouais, ces petites culottes, celle-là. Ça l'a fait partir, ça l'a fait fuir. Tel le cochon de Dragon Ball Z, il ne peut résister à l'appel de la petite culotte. Cher auditeur, c'est là que les ennuis commencent. Notre ami joueur Benzébut a soudain des ennuis d'Internet, qui ne seront malheureusement pas complètement réglés pour le reste de la partie. Il nous rejoindra plus tard, sous forme écrite uniquement, comme vous le verrez. Cela gâche sans équivoque cette partie, mais comme nous étions partis sur un one-shot sur une soirée, nous avons néanmoins continué. Voilà, en fait, il s'éloigne pour se mettre un peu de biafine, donc... Et temps de réfléchir à votre prochain move. Il est pudique. Bah, le prochain move, c'est se planquer quelque part, quoi. Alors, la forêt la plus proche, enfin, est-ce que... La forêt la plus proche, il faut sortir de la ville. Donc, il y a quand même quelques kilomètres de ville à parcourir. Après, en forêt, on a trouvé des batteries ? Vous avez quelques batteries, oui, quelques piles. Ok. Des allumettes ? Oui. Des duvets ? Duvets, c'est peut-être compliqué. C'est quoi exactement comme commerce de proximité qu'on a ? Est-ce que c'est un commerce de proximité qui a genre des semaines thématiques ou des trucs comme ça ? Parce que... En novembre, on va peut-être tomber sur la semaine Thanksgiving ou déjà Noël. Il y a peut-être des... Alors c'est un Carrefour Market, quoi, tu vois, un genre de truc comme ça. Donc du duvet, ça me semble compliqué, pour le coup. Ouais. Mais tu peux trouver des choses qui fassent office de genre de couverture, en tout cas, peut-être des... Ah ben, un plaid. Tu dois pouvoir trouver des pulls, des, peut-être un plaid, ouais, quelque chose comme ça. Bon, matériel de camping, c'est plus complexe déjà. Ouais, des piles, des lampes torches, on a dit. Hein. Ouais, de toute façon, là, c'est soit on s'équipe offensivement, et dans ce cas-là, c'est quoi ? C'est genre magasin de bricolage, commissariat, magasin de chasse, ou on se part tout de suite, quoi. Ouais. Bah, déjà, on peut se poser là dans le magasin, essayer de récupérer les trucs, et puis réfléchir à ce qu'on va faire, parce que l'idée, c'est quoi, là ? Est-ce qu'on essaie de se barrer ? Est-ce qu'on essaie de retrouver d'autres survivants et de se regrouper ? Qu'est-ce qu'on veut faire, en fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que là, c'est catastrophique. Qui se passe autour de nous. C'est clair. Bah déjà, moi, j'envoie un texto à ma femme, savoir comment elle va, si elle répond et tout. Bonne idée. Le texto part. Ensuite, je sais pas, Manu, toi, tu. Moi, je m'aperçois que j'ai oublié toutes mes affaires dans l'ancienne maison. Ah. Pareil. À part les affaires que j'avais dans mes poches. J'ai même oublié mon défétiche. Aïe. Ah merde. Faut qu'on y retourne pour le défétiche. Tu peux fouiller les bris, hein. C'est... Sinon, pas très loin, il y a une entreprise aérospatiale assez connue. On peut peut-être choper du matos, avancer là-bas. Ça doit être assez protégé. Ouais, ou ça a peut-être été rasé en premier lieu. Donc ça a peut-être été rasé en premier lieu. Je sais pas, faudrait voir. Personne ne sait piloter d'avion, donc... Non, j'essaie d'arrêter. Ah putain, fusée non plus, j'imagine. On peut peut-être déjà profiter d'avoir de l'électricité, des chargeurs pour faire un tour des informations sur le net et tout ça. Essayer de voir s'il y a des trucs qui s'améliorent ou pas, savoir à quel point la zone elle est touchée. Est-ce qu'on a une connexion avec Google Maps, par exemple ? Est-ce qu'on continue à recevoir des choses ? Est-ce qu'on capte du réseau ou autre ? Ouais, essayer d'être en contact avec des groupes de survivants aussi, peut-être, mais... Truc et astuces pour survivre à une... Top 10 des trucs pour survivre à une invasion extraterrestre. Ouais. Alors, après, comment faire ? Parce qu'il n'y a pas encore le Tinder des survivants, je pense. Non, peut-être pas. Un peu tôt, ouais. Ou un truc du genre, toi aussi, elle retrouve les survivants les plus hauts de ta région. Tout soon, non ? Envoie survivante 7 à 12-12. Du coup, je scrolle un peu les infos, j'essaie de voir ce qui se passe un petit peu autour, j'essaie d'envoyer des textos à plein de gens pour savoir ce qui se passe, s'il y a plus d'infos et ce genre de choses, quoi. En fait, tu finis par voir que tes textos sont pas envoyés, t'arrives pas à... Il n'y a plus de réseau. T'as plus d'antenne, quoi. Ok. Donc pour l'instant, qu'est-ce que vous faites ? Vous souhaitez partir d'ici ? Vous souhaitez passer la nuit ici ? Non, partir. Ça peut être une idée, hein, de passer la nuit ici. Si le quartier il a déjà été fouillé, vidé, et peut-être qu'ils vont pas retourner, ils vont pas revenir directement, quoi. Un vival, ça risque d'attirer d'autres gens, quoi. Enfin, un Carrefour Maquette, on avait dit, pardon. Est-ce que certains d'entre vous veulent se pencher sur le stress que vous avez ? Effectivement. Ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé, hein. Je commence à devenir mentalement instable. Ouais, moi aussi. C'est un stress, un trauma de niveau 2, c'est 6 points, c'est ça ? De 1 à 3, c'est un trauma de niveau 1. De 4 à 6, c'est un trauma de niveau 2. Et de 7 à 9, un trauma de niveau 3. Eh bien, écoute, moi, je vais prendre un peu de temps pour méditer sur mon état mental. Moi, je vais prendre un trauma de niveau 2 pour redescendre à 0 en stress. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu prends comme trauma ? Bah, parano, hein. Je crois que... Pas mal. Je crois que c'est... parano, ce serait plutôt du social. Manteau, ça pourrait être terreur vis-à-vis du surnaturel, ça pourrait être perte de mémoire, ça pourrait être déni, par exemple, pour un niveau 2. Déni ? Déni, par exemple. Non, ce n'est pas vraiment en train d'arriver, quoi. Non, ces extraterrestres ne vont pas me tirer dessus si je m'approche d'eux calmement. Ah ouais, non, j'étais plutôt moi, sur un truc plus en rapport avec la peur, tu vois, genre une anxiété constante, une angoisse constante. Terreur, ouais. Ouais. Donc ça peut être déni de non, c'est pas possible. Jordi, pas lui, c'est pas celui qui tenait cette chaîne de podcast à bout de bras. <C'est>... Salaud. Ah, tu vois, t'es dans le déni, je savais. Pour rappel, ici, tes deux plus vieux amis, c'est sur ceux qu'on a eu le moins à foutre par rapport à ta mort. C'est vrai. Ouais. Nous, on était là, oh, mon Dieu, c'est affreux. Et les deux autres, ils étaient là, non, t'inquiète, de toute façon, c'était un con. C'est triste. Il n'y a pas un qui a essayé de sauver ma femme et mes enfants. Merci, les gars. Ouais. On a bien vu que toi, t'avais essayé, mais que ça s'était mal passé. Donc, C'est vrai. Eh bien, moi, je vais prendre un petit trauma de niveau 1 pour perdre 3 stress. Attends, t'as combien de stress ? 5. Donc, soit tu prends un trauma de niveau 2, soit tu prends rien du tout. T'as 5 points de stress. Ah, il me semblait que c'était 6 niveau 2. De 1 à 3, de 4 à 5, de 4 à 6, pardon. Ah oui, d'accord. Eh bien, je vais prendre un trauma de niveau 2 également. Et que prends-tu comme trauma ? C'est quoi la liste ? Ah, c'est un peu ce que tu veux, je te dis. Ce que je te donnais tout à l'heure, c'était des exemples. Terreur vis-à-vis du surnaturel, perte de mémoire, déni. Je réfléchis. Petite perte de mémoire. Bah non, je suis censé avoir bonne mémoire, ça me fout le... Effectivement. C'est un peu con. C'est un oubli de ce qui s'est passé. Ce qui pourrait être, ouais. Perte de mémoire, c'est pas non plus amnésie totale, hein. C'est à toi de voir. Ouais, ça pourrait être un truc genre... Ah mais c'est peut-être un peu trop comme Valkan, mais en gros, sursauter, c'est un peu syndrome post-traumatique, en gros, sursauter quand il y a un bruit. Bon, moi, j'en profite pour rassembler ce qui peut nous servir à un endroit stratégique du magasin. Il y a Benoît qui s'est évanoui, tout simplement. Voilà ce qu'on va faire. Il s'est vidé de son sang. Non, il a manifestement besoin de repos. Ouais, on l'a mis dans le local réservé au personnel, là où il y a les vestiaires, histoire de l'allonger peut-être sur un banc. Ouais. Histoire qu'il se repose. Oui, bon, vous pouvez faire une espèce de lit avec des vêtements ou quelque chose comme ça. C'était soit ça, soit le rayon mexicain, donc il fallait faire un choix. Ok. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que là, le but c'est de survivre, mais il y a un moment. Ok, pour le moment, on survit. Il y a de la bouffe, il y a de l'eau, il y a plein de trucs. Ok, est-ce qu'on barricade ici et qu'on blinde le truc? Mais on a vu que ça servait pas à grand-chose, ils ont barqué la maison en fait. Est-ce qu'on part, mais alors pour aller où, pour faire quoi? Bah, le problème, c'est que tant que Benoît et HS, on aura du mal à le porter pour aller loin. Donc du coup, on resterait ici, on barricade ici, on reste ici pour la nuit, et puis on monte la garde à tour de rôle, histoire qu'on se repose, quoi. Ouais, ok. Au moins, on a de la bouffe, on a de... Voilà, et puis si on veut, je sais pas, doit y avoir une pièce fermée dans laquelle il n'y a pas trop de fenêtres, si on a besoin de mettre un réchaud pour faire à bouffer chaud ou un truc dans le genre, ça doit être possible, quoi. Remarque, il y a peut-être un micro-ondes dans celle de pause ou un truc dans le genre. C'est ça. Le local où est Benoît, il y a de quoi faire un peu à bouffer, une plaque, un petit micro-ondes, de quoi s'asseoir. Bon, vous pouvez aménager un peu avec ce que vous pouvez trouver dans le magasin. On s'arrange comment pour les tours de garde? On essaie de... C'est un par un, deux par deux, pour qu'on essaie de se maintenir éveillé l'un l'autre. Peut-être plutôt un par un. Ouais, je sais pas. Peut-être plutôt un par un, mais par contre faire des trucs plus courts. Ok. Pour que tout le monde ait le temps de se poser un peu. Celui qui fait le tour de garde, il prend le fusil. Hein. Enfin, je veux dire, c'est le... Si ça marche, c'est la meilleure arme qu'on ait. Autant pas déconner là-dessus, quoi. Ok. Qui c'est qui commence, du coup? Je vais bien commencer. Fusillade à toi, Manu, et puis nous, on va essayer de se rouler en boule dans un coin, manger, et puis on te laissera un truc que tu pourras réchauffer quand tu reviendras, quoi. Ou on mange tous ensemble, peut-être. Ah, c'est vrai que là, il fait un peu faim. Oui, bah on peut manger en plus. On peut se manger tous ensemble, avoir un petit peu de convivialité. Ouais, c'est ça. Puis on peut peut-être boire un petit truc, une bière, un truc. Putain, les bières! J'ai oublié, j'ai Jordi. Oui, on est dans un city market là, je veux dire, il y a un rayon avec des bières. Putain, ça me rassure. En plus, elles sont fraîches. Je propose, avant qu'on se pose pour manger, qu'on essaie de trouver des trucs un petit peu pour barricader la porte d'entrée ou... Ouais, totalement. Moi, je pensais justement pas trop barricader la porte pour pas montrer qu'on est là, en fait. Est-ce que c'est des portes automatiques ou pas? Tu sais, genre les... On baisse le rideau et puis voilà, quoi. Ah ouais, il y a un rideau de fer sur ce genre de truc, on peut peut-être le baisser, ouais. Je vous ai fait un petit plan que vous devez voir, j'espère. Ah d'accord, ok. Bon, c'est grossier, hein, mais bon, c'est pour ça qu'il y a des rayons. Ici, c'est une... Merci. Hop. Ici, c'est en gros la caisse. Et le local, derrière, il y a une espèce de chaufferie. Voilà, je ne détaille pas plus que ça, mais ici, c'est là que vous avez pu entreposer Benoît, par exemple. On regarde si on ne peut pas actionner les rideaux, tu sais, de fermeture. Tout à fait. Donc, alors que vous êtes en train de regarder ça, vous vous approchez. Et c'est là que vous entendez des bruits de pas à l'extérieur. Des paroles qui vous semblent bien étrangères. Oh. À l'extérieur, qui ont l'air de se rapprocher ou... Genre qui ont l'air de se rapprocher, effectivement. Et étrangère, genre... Genre c'est pas votre langue natale, voire même c'est pas une langue mondiale. Ah oui, parce que notre langue natale, ça pourrait être, je sais pas, ouais, des bretons par exemple. Wow. Et ben on va se planquer. Ouais, on va se planquer. Vite, planquons-nous derrière les rayons ici. Alors vous allez chacun me faire un jet de dextérité pour voir si vous arrivez à rapidement vous planquer. Et merde. Est-ce que parce qu'il fait noir, on a un dé positif supplémentaire? Alors vous avez effectivement un dé positif parce qu'il fait noir, il n'y a pas de lumière. Vous avez un dé négatif parce qu'il fait noir et du coup vous risquez de faire du bruit. Et ensuite vous me dire avec vos traits. Manu, tu es myope. Oui, je sais. Quelle idée. Donc ça va te faire un dé négatif de plus, s'il te plaît. Problème. Moi j'ai une bonne mémoire, donc je me souviens de la disposition des choses. Il est myope, mais il a ses lunettes sur le nez quand même. Il a ses lunettes sur le nez, oui. Mais néanmoins, ça l'aide pas quand même. Il est vraiment myope. Enfin, ça l'aide pas. Ça l'aide, mais ça lui fait quand même un petit dé négatif pour ça. Ouais. T'as une bonne mémoire, oui, mais c'est un trait de mental, c'est pas un trait physique. Ah merde, c'est du physique. Bon, bah, ouais. Mais se déplacer et se repérer dans l'espace, c'est mental. Donc ça te laisse un 4, Manu. Bah, je crains que ce soit un échec et tu te prends un point de stress. Donc c'est un échec et tu te manges un coin. Enfin, je sais pas, tu te fais mal. Ouais, t'as lancé 3D malus, Lucas. Oui, ça fait beaucoup. Hein. Parce que j'ai un trauma, j'ai deux traumas. C'est... Qu'est-ce que t'as comme tra... T'as un trauma physique ? Ah non, bah non. Bien sûr que non, bien sûr. Donc on prend quand on fond ? Faut que je relance ou... Tu rates et tu te prends également un stress, donc. Okay. Et pour finir, Emric... Me plante, mais sans stress. Tu te plantes, mais sans stress, effectivement. Donc bon, bah, vous êtes pris par surprise, hein, donc bah, vous éloignez pas tant, messieurs. Je vous enjoins à rapprocher un peu de l'entrée. Et donc, vous voyez débouler, hop, vous voyez débouler deux gris qui vous voient, du coup, qui vous entendent et qui vous voient, et qui bah, se préparent à... Je hurle en tirant. Très bien. Alors qu'ils ont tous les deux un fusil, mais qui... Voilà, ils sont... C'est pas les mêmes fusils. Ils n'ont pas tous les deux le même fusil. Eh bien, je t'en prie, tire sur l'un d'eux. Alors, ils ont un Imbus 2000, tu vois. Bah ouais, on va faire ça. Ok. C'est quoi ? C'est dextérité toujours ? Eh bien, c'est dextérité toujours. Tu ajouteras un malus, un dé de malus, puisqu'ils sont petits, et un autre dé de malus puisqu'il fait nuit. Ok, moi j'ai pas vraiment de dé de bonus. Bah, t'en as un quoi, en tout cas. Moi j'ai un dé de base, mais... Oui. Non, bah écoute, advienne que pourra, de toute façon, moi je suis terrorisé, donc je tire comme je peux en balayant. Est-ce que tu cries, c'était pas ma guerre en même temps ? Non, je crie tout court, genre ah. Donc tu hurles, tu tires, le recul te projette probablement quelque part. À ce point-là, quand même. Non, tu n'es pas projeté 10 mètres en arrière. Non, mais j'imagine que tu percutes peut-être un étalage, tu vois, je ne sais pas. Je prends 2 points de stress, c'est ça ? Tu prends 2 points de stress, physique. Lucas, que fais-tu ? Moi, je prends une 2 lampes torches qu'on avait ramassées dans le magasin et je les allume et je leur braque dans la tronche. D'accord. Quel effet souhaites-tu ? Les éblouir le temps assez pour les empêcher de nous viser, juste le temps qu'on leur casse la gueule. Ok. Manu, que fais-tu ? Je vais en profiter pour essayer de pousser les portes. Les portes en verre, là, pour essayer d'éventuellement voir s'il n'y a pas moyen de les bloquer avec quelque chose. Porte en verre, hein, Le mot-clé, c'est verre. Comment dirais-je que... D'ailleurs, Falcon a probablement fait exploser une des portes. Ah oui, d'accord. Non, mais... Donc, il n'y a plus de verre, en fait, même pas. En tout cas, tu vois bien que ça ne va pas arrêter, ça va pas beaucoup arrêter les tirs. Ah mais... Pas fait exprès. Il a également cramé des chips. Putain, les chips. Quoi ? Ah putain. Et tout le rayon bière a explosé. Et donc là, je suis obligé, là, je passe berserk. Ouais, c'est barbecue party, là. Attends, il manque les merguez et puis on est bon. Non mais je me dis, enfin je cours vers celui qui est le plus proche pour essayer de détourner son arme. Ok. Tu as une arme toi-même ? À part un tournevis. Il y avait le tournevis et le marteau, t'en avais pas récupéré. J'ai un tournevis. Ouais. Ok. Et ben donc fais ton jet. Donc tu as un dé positif de base, un dé négatif parce que il fait nuit et qu'ils sont, enfin voilà, qui vous ont vu et qui sont quand même prêts à vous recevoir. Et c'est tout. As-tu un dé positif de plus à prendre ? Je ne crois pas. Non, je ne vois pas ce que je pourrais faire de mieux. Eh ben, vas-y. Eh ben, ok. C'est un échec et tu prends un point de stress. Cool. Très bien. Donc, bah, celui sur lequel tu précipites, du coup, esquive ton coup et s'apprête à te tirer dessus ou au moins te donner un coup de crosse vu que t'es au corps à corps. Donc, c'est un bagarreur, mais tu es quand même vachement plus grand que lui. Donc, il va lancer 3D. Un petit ténu avec des chaînes en or et des tatouages et il te regarde méchamment. Eh ben, il réussit. Il te fout un gros coup de crosse. Donc, tu prends 3 points de stress. Quant à l'autre, il vise Lucas qui l'éblouit. Donc, il a 2 dés positifs, mais il a aussi un dé négatif à cause de l'arme qu'il porte et un dé négatif à cause de Lucas qui l'éblouit et qui l'empêche de bien viser. Eh bien, c'est un échec. Il rate son jet, puisque le 3 négatif annule, ce qui aurait dû être un succès. Donc, il rate son tir et désintègre un rayon du prêt-à-porter. Il se prend également un point de stress, d'ailleurs. Le contre-coup d'avoir brûlé les petites culottes, ça l'a choqué. Emric, pardon, c'est à toi. Oui, ok, je me relève, je regarde la situation, qu'est-ce qui se passe. Je donne le fusil à Lucas, je sors le couteau et je cours pour essayer d'en planter un. Je me dis que là, c'est... D'accord, ok, vas-y, je t'accorde l'action, on va pas... Je jette le fusil au pied de Lucas et puis je cours avec le couteau. Ouais, je trouve bien, on va faire un petit peu d'héroïque, hein. Tu jettes le fusil vers Lucas en disant Lucas, et tu sors ton couteau et que tu t'apprêtes à planter dans le deuxième petit gris, c'est ça? On va aller. Ouais, voilà. Ok. Et ben je t'en prie, fais ton jet. Ok. Donc est-ce qu'il est toujours ébloui un petit peu ou pas du tout? Il est toujours ébloui, ce qui va te, on va dire que ça t'accorde un des dead, d'accord? D'accord. Un des positifs. Donc par contre. Il te voit quand même arriver, donc tu vas avoir un dé négatif, plus un dé avec ton couteau, plus ton dé de base. Donc ça te fait au moins 3 dés. Et plus ton sportif. Plus sportif. C'est ça. Donc ça va faire 4 dés positifs et un dé négatif. Et pour moi. Pour le pêcheur. Ton dé de négatif est annulé. Alors. Et il te reste, je pense, un succès. Effectivement, un seul succès. Un seul succès, malheureusement. Donc ce qui te permet quand même de lui faire 3 dégâts. C'est quand même vachement mieux que mon tir au fusil. Hein. Lucas, tu reçois ce fusil dans les mains, que fais-tu? Enfin, est-ce que tu essaies de l'attraper déjà ou est-ce que tu l'attrapes? Je vais pas te faire un jet pour essayer d'attraper, hein, je te rassure. Oui, je l'attrape. Très bien. Et maintenant, que fais-tu? Eh bien, je vais sortir du magasin, mais j'essaie de passer sur le côté, donc soit ici, en fonction de la vitrine que je peux... Dis-moi. Une vitrine pétée que je peux traverser. Oh, bah, ils te sont pétés, hein. Bon, bah, j'étais là, bah, comme ça, non, comme ça, très bien. Alors, ça te paraît plus compliqué d'aller par là, vu qu'il y a le mur et le coin, quand même, ouais. Bah oui, c'est pour ça. Genre, là, je suis là, juste là, hop. C'est quoi l'idée? C'est de le flanquer et de pas avoir mes copains dans la ligne de mire, quoi. D'accord. Parce que Lucas, il est comme moi. Il voit des petits gris sur une carte avec des carrés. Il pense XCOM. Alors, faut le flanquer pour avoir un pourcentage de tir augmenté. Exactement. Exactement. Très bien. Parce qu'à XCOM, il faut bien savoir que si t'as pas 95%, c'est comme si t'avais que 10%, en fait. Ouais, c'est clair. Putain. Bah, c'est ça. 95%, t'as une chance sur deux de réussir, quoi. Exactement, putain. Très bien. Donc, tu vas tirer. Tu as un dé positif. Tu as un dé négatif parce que c'est des petits teigneux. Tu as un dé négatif parce qu'ils sont en contact avec tes potes. Tout à fait. Et que voilà, tu essaies de pas leur tirer dessus. Vois-tu la possibilité de rajouter un dé positif? Je cherche là parce que j'aimerais bien quand même. L'arme me donne pas de dé, non, elle fait plus 6 dégâts. Non, ça donne pas de dé. Est-ce que j'ai un avantage contextuel du fait que je sois sur leur côté? Non, pas particulièrement parce qu'ils sont encore à corps et donc ils sont en train un petit peu de. Voilà, ça bouge quoi. C'est pas statique tout ça. Allez, vas-y, lance-moi 3 dés, dont un positif. Ouais. 2 ou moins. Le tir est un échec et tu te prends 2 points de stress physique. Aïe, aïe. Alors moi, j'essaie de choper la tête du petit gris entre mes mains et de lui enfoncer les pouces dans les... Oh, c'est dégueulasse. Dans les yeux qui sont grands. Très bien. Tu vas avoir un dé négatif parce que c'est des bagarreurs. Ils savent se battre. Et donc un dé positif. Néanmoins, ils sont petits. Toi, t'es quand même assez grand. On va t'accorder un dé positif de plus. Donc ça fait 2 dés positifs, un dé négatif. Donc tu réussis ton action. Tu prends quand même un point de stress physique. Tu réussis ton action. Et donc tu lui fais je t'accordais 2 de dommages. 2 de stress. Donc effectivement, tu commences à essayer de lui agripper la tête. Alors tu n'arrives pas à enfoncer tes doigts dans ses yeux, mais en tout cas, tu essaies de le bousculer dans tous les sens pour lui faire bien mal. Eh bien, justement, lui-même va essayer de te coller, encore une fois, une crosse dans la tronche. Et hop, il rate son coup, cette fois-ci, et se prend un point de stress de plus. Quant au deuxième, du coup, eh bien, il essaye de faire feu avec son fusil. Donc lui, par contre, il a beaucoup plus de négatifs. Il réussit, mais il se prend 2 points de stress. Tu prends donc 8 points de dégâts, 8 points de stress. Très bien, et ben je suis mort. Pas Lucas, pardon, Emeric. Ah oui, je me disais, mais pourquoi il tire sur Lucas, ce con? Non, oui, pardon, c'est sur Emeric. 8 points, bah, ça me fait 10 tout pile, ok. 10 tout pile. Donc, alors là, tu es juste à la limite de la mort, hein, donc tu t'écroules, pour le coup, un peu projeté, je pense, sur le côté. Et tu vas avoir immédiatement un trauma. Un trauma? Ouais, de gravité 3, membre désintégré. Je te laisse choisir lequel. Putain. Le bras gauche. C'était à toi, mon chien. Et donc ça me fait redescendre à combien? À 0. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Ça te fait retomber à 0. Donc c'est Lucas, c'est à toi, je crois. Eh bien, je tire. Je t'en prie. Donc toujours un positif. Ah putain. Et du coup, vu qu'ils sont plus au cac, j'ai qu'un négatif alors? Tout à fait. Donc tu te prends encore un point de stress et tu rates ton tir, c'est ça? C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Manu, c'est à toi. Eh bien, maintenant que... Enfin, si je le tiens un petit peu, en fait, j'essaie de le balancer vers... au moins de le pousser en direction de l'autre, en fait. D'accord. Ok, ouais. Bah, tu me fais le même jet. Et donc, c'est un échec. C'est un échec. Hein. C'est un échec et tu te prends un nouveau point de stress. Donc là, vous voyez Benoît qui sort de derrière le magasin, précipite et qui fonce vers le deuxième petit gris et qui essaye de lui en coller une. Emric, je vais te laisser lancer les dés pour lui. Ok. Donc lui, il avait quoi lui comme arme ? Il avait un couteau aussi, non ? Qu'est-ce qu'il avait ? Ouais, un opinel. Mm. Donc tu vas lancer 3 dés positifs pour lui et du coup un dé négatif, s'il te plaît. Les 1 s'annulent, mais 3 et 6 en positif. Ce qui donne un succès, je crois, puisqu'il a 3. Ce qui nous fait un succès. Un succès plus 2, ce qui fait 3. Donc c'est pas mal. Et ben, hop. Il arrive à se débarrasser du deuxième petit gris. Et donc il plante tout simplement son opinel dans l'œil et tournoie et fait quelques tours. Et le petit gris, encore une fois, dans un petit glapissement pathétique, s'écroule au sol. Néanmoins, l'autre est toujours bien vivace et peu abîmé, ma foi. Et il va, encore une fois, essayer de se débattre, de se sortir de cette prise et de te coller encore sa crosse dans la tronche, Manu. Ah, cette fois-ci, c'est un succès. Et il te colle 3 points, encore une fois, 3 points de stress. Alors, je rappelle, hein, si tu as déjà des points de stress... J'en ai 7, donc en fait, j'en prends qu'un, en fait. En fait, t'en prends qu'un, exactement. Ça tombe bien, parce que 3, ça aurait été trop. Alors, Falcon, dis-nous un petit peu, quel est le membre qui t'a été désintégré ? Eh bien, le bras gauche, je pense. Et donc, je suis par terre en train de hurler de douleur. Alors, c'est cautérisé, c'est ça qui est bien ? Ouais, enfin bon, je viens quand même de... Enfin, ça saigne pas. Ça doit faire quand même un petit peu mal, puisqu'il y a toutes les connexions nerveuses qui doivent pas aimer trop la blague. Ça clignote un peu, je te cache pas. Mais en tout cas, tu n'as pas un risque immédiat de mort. D'ailleurs, potentiellement, je suis dans les vapes, en fait, avec un truc. Oui, tout à fait. On va dire que t'es quand même mort de combat, ouais, clairement. Lucas ? Eh bien, il y a trop de monde au CAC, donc j'abandonne l'idée de tirer et je m'approche pour foutre un coup de crosse au petit gris. Il n'y a pas d'échec critique. Hein. Ah ! Tu peux, si tu veux tirer, tu peux tirer. Ou après, si tu veux aller au CAC, tu vas au CAC et tu tapes. Hein, pas de soucis. Mais je te donne un dé de malus parce qu'il y a quelqu'un au CAC. Donc, je vais pas en plus de ça te dire que si tu rates, tu. Ouais, ouais. Manu à coup de laser, quoi. Putain. Et bah, tu reprends 2 points de stress. Hein. Il y a les 4 et 4, ça s'annule pas, là ? Ah, si, pardon. Je prends 1 point de stress, excuse-moi. Je me trompe. De toute façon, je pense que t'as déjà assez de stress pour avoir au moins moins 1, voire moins 2. Oui, complètement. Benoît, j'imagine, va se rapprocher au corps à corps du deuxième et va nous lancer. D'ailleurs, j'aurais quand même pu compter son trauma cette fois. Qui va lancer un. Combien j'ai dit ? 3 dépositifs. 1, 2, 3 dépositifs. Contre, du coup, 3 dés négatifs quand même. Donc, Benoît, si tu m'entends, tu peux peut-être lancer les dés sur Roll20. Enfin, je sais pas si je te vois connecté à Roll20 quand même. Mais... Je sais pas si tu peux lancer les dés ou sinon c'est Emric qui va les lancer pour toi. L'écriture sur Roll20. Bah écoute, Emric, vas-y, lance les dés pour notre bon Benoît. 3D. Allez, c'est parti, croisez les doigts. Ah si, Benoît arrive à lancer. Ah, bah prenons le jet de Benoît. Tout à fait. Donc, un 6 annule un 6. Le 3 annule un 3, donc il nous reste un 4 positif. Je crains que ce soit un échec et en plus il se prend un stress de plus. Oh, putain. Un stress physique, mon bon Benoît. Mince, du coup je ne sais plus où j'en suis. C'est à Manu. C'est à toi Manu d'intervenir. Eh ben, j'essaie de le pousser au sol en fait, le pousser de façon à ce qu'il tombe, vraiment qu'il soit par terre, que ça soit plus facile pour les autres de le maraver. Ouais, bah écoute, ok, tu le tapes toujours avec. En tenant ton tournevis, alors, hein, vas-y, hein, c'est un des positifs, normal. Là, t'as quand même Benoît qui l'occupe aussi, donc je vais t'accorder un des positifs supplémentaires, et donc t'as 2 dés négatifs, c'est ça ? Non, 1 dé négatif. J'en avais 2 tout à l'heure. 2 positifs, 2 négatifs. Les 5 s'annulent, donc tu prends un point de stress, mais tu loupes ton coup. Décidément. Pour le stress de force se calmer là. Et donc notre ami Alien se tourne vers Benoît qui lui a l'air bien plus efficace et bien plus vivace. Qui a quand même tué son copain, il va essayer de le friter. Donc il a 2 dés positifs et 2 dés négatifs. Eh bien, ça reste un succès et il va coller 3 points de stress à notre ami Benoît, qui est déjà remonté à 4, le pauvre. Lucas, c'est encore à toi. Je tire. Devinez ce qui va se passer. Je t'en prie, 1 dés positifs et 2 dés négatifs. Oh putain, enfin. Ouais, j'ai des dés négatifs quand même. Donc tu prends 2 points de stress, mais tu le shootes et tu le réduis en poussière. Puisque tu lui fais 7 points de dégâts, il s'en prend 6, et donc c'est bon. Il est mort. Du coup, je prends un niveau ou pas ? Je crains que non. Donc là, vous êtes quand même en sale état. Néanmoins, vous entendez des tirs, hein, des bruits qui se rapprochent. C'est là que vous voyez une unité de... de tanks qui déboulent au coin de la rue avec tout un tas de soldats et qui commencent à remonter l'avenue sur laquelle vous êtes. Hein. Malheureusement, face à eux, vous voyez également une soucoupe volante, voire peut-être même plusieurs, et un paquet de grilles qui commence à se rapprocher également. Il y a une soucoupe, un char Leclerc qui tire sur les soucoupes, il y en a une qui s'écrase près de vous dans un vacarme assourdissant qui explose le bitume et frappe même une devanture de magasin en face de l'autre côté de la rue. Que faites-vous ? Moi, je m'enfonce dans l'inconscience. Manu ? Alors clairement, en fait, les deux bouts de la rue sont bloqués, quoi. Bah, en fait, oui, t'as les limitières qui se rapprochent et qui commencent à tirer vers les grilles qui eux-mêmes répliquent et tirent à tout va. Et bah, donc, je re-rends dans le magasin et puis j'essaie de... Il y a deux fusils à vos pieds. Hein, j'en ramasse un, mais bon, sachant que on sait que je suis hyper efficace avec, mais au moins je le ramasse. Et puis j'aide Emmerich à s'éloigner du. Ah, je pense qu'il faut me traîner là, parce que je vais pas me réveiller tout de suite. Ouais, c'est clair. On peut le porter à deux, mais. Bah oui, non, mais tout à fait. Benoît saisit une arme et se met à couvert. Hein. Oui, j'ai vu. Ouais. Donc l'arme que tu récupères, Manu, toi, c'est donc un fusil désintégrateur, hein, c'est celui qui a carbonisé, enfin qui a vaporisé le bras d'Emmerich. Donc c'est un dé négatif pour l'utiliser, c'est un dé négatif et plus 7 de dégâts. Par contre, Benoît, quant à toi, donc effectivement, il ramasse l'autre fusil qui est donc la même arme que celle qu'avait Emmerich et que donc a maintenant Lucas. C'est donc un décolleur à pâture. Celui-ci, c'est un fusil calorifique qui ne donne ni bonus ni malus, mais qui fait plus 6 de dégâts. Un peu moins de dégâts, mais il n'a pas de malus. Donc voilà, là c'est la guerre, hein, tout simplement. La guerre fait rage face à vous. Et donc, ça tombe de tous les côtés. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous enfoncez au fond du magasin, en fait ? Est-ce qu'on n'essaierait pas de ressortir ? Peut-être qu'il y a une porte arrière ou... Moi, il faut que je prenne 5 minutes pour réfléchir à mon expérience, parce que là, ça va pas du tout. Là. Je suis à 8 de stress physique, ça va mal se passer. Et moi, je suis à 9 aussi, ouais. Effectivement, il faut que je prenne du temps aussi. Ok, et bah donc vous pouvez exprimer un trauma chacun, donc un trauma de 3 pour 9. Et toi, Lucas, t'as combien? Moi je suis à 8 là. Un trauma de 3 aussi. Donc là, ça commence à être sérieux. Un trauma de 3, c'est un membre cassé, brûlé au 3e degré. C'est des trucs cécité, bon, je vois pas trop le... Double fracture du bras. Ok. Du bras droit, parce que je pense à mon bras droit. Parfait. Et toi, Lucas ? Est-ce que je peux, genre, m'être coupé sur un morceau de vitrine cassé en l'enjambant, là, tout à l'heure ? Genre, je pisse le sang et du coup, je suis obligé de le... C'est un trauma de niveau 3, donc ça veut dire que c'est une énorme plaie à la jambe et que... Il en me plaît à la jambe, par exemple. Pourquoi pas ? Ouais, bah voilà. Bah, enfin, c'est vraiment sale. Hein. Il y a du... donc, voilà, c'est une sale blessure. Et donc, bah, les petits gris s'avancent. La bataille fait rage juste devant le magasin. Ça sera connu plus tard comme la bataille du prix unique. Donc les petits gris s'avancent et vous en voyez certains où ça canarde dans tous les sens et du coup il y en a un qui pénètre dans le magasin un petit peu pour se mettre à couvert et qui vous repère. Je pense qu'il se fait cueillir. Eh ben, on va le défoncer. Ok, eh ben, je t'en prie, Lucas, vas-y, commence les hostilités. On va essayer, quoi. Putain, j'essuie le sang qui dégouline. Donc là, vous êtes dans le magasin, mais vous avez encore moins de lumière, parce que tout à l'heure, vous avez au moins des éclats, les chars qui font un peu de lumière, et puis la lune qui éclaire un peu, mais là, vous voyez plus rien. Donc vous avez 2 dés négatifs de base sur tous vos tirs. Moi, je vais pas tirer, je vais allumer une lampe torche et je vais essayer de repérer où est le petit gris. Enfin, de d'illuminer la position du petit gris pour mes copains qui tirent. Emmerich, tu commences à te réveiller, donc t'as effectivement ton bras gauche qui n'est plus. Manu et Benoît, du coup, vous allez pouvoir agir. Manu, que fais-tu ? Eh ben, je vais essayer de tirer au fusil désintégrateur. Bah, je t'en prie. Un dé positif et 3 dés négatifs. Ouais. 3 dés négatifs ? 2 dés négatifs. 2 dés positifs, pardon, parce que tu as Lucas qui t'aide avec sa lumière. Donc 2 dés positifs, 3 dés négatifs. Oula, c'est beaucoup de 4 et de 2 tout ça. Oh, putain. Prends un point de stress. Et malheureusement, ton 2 est annulé par le 2 négatif. Ouais, c'est pourri. Benoît, quant à toi, donc du coup, tu es à 3 dés positifs grâce à l'aide de Lucas. Et tu es à 2 dés négatifs. Donc 3 positifs, 2 dés négatifs. Benoît, si tu m'entends et que tu peux faire ton jet. Oh. Alors malheureusement, il y a un 2 qui est annulé par le 2 négatif, mais tu en as fait un deuxième. Donc ça fait que ton tir réussit. Tu prends néanmoins un stress physique de plus. Donc actuellement, tu es à 5 stress physiques. Mais néanmoins, tu touches la lienne. Donc il se prend quand même une belle décharge d'énergie dans la gueule. Et donc ce dernier se retourne vers vous. Et se met à tirer aussi. Et alors, sur qui va-t-il tirer ? Là est la question. c'est honteux, il tire sur Emmerich. Ah bah, en même temps, je suis par terre en train de gémir. Je dois être celui qui est le moins à couvert et qui fait le plus de bruit. Donc, ça réflexe. Malheureusement, ça paraît assez logique. Il te tire dessus, il te shoot. Alors, dis-moi ce qui se passe, dis-moi quels sont comment se passent tes derniers instants. Ah, carrément les derniers instants ? Oui, là, on va pas... Bah, écoute, je ne sais pas avec quoi me tirera-t-il dessus, du coup. Avec un fusil calorifique, hein, donc tu es brûlé au quatrième degré. Ah, bah, écoute, alors que je me réveille juste et que je hurle de douleur à cause de mon bras, une espèce de vague rouge passe sur mon corps et du coup, je me retrouve un peu comme ces corps dans Silent Hill, tu sais, complètement carbonisés d'un coup. Il y a encore quelques braises fumantes et je me retrouve en poussière qui s'évapore d'un coup. C'est triste. Lucas, c'est à toi. On fait pas un petit jet de choc pour voir à quel point on est traumatisé de voir un pote tomber en cendres ? Effectivement, vous pouvez faire un jet de volonté chacun. Vous faites donc un jet avec un dé positif et un dé négatif parce que l'ambiance, enfin voilà, c'est quand même un peu trop pour vous là, ça tire dans tous les sens et les nerfs commencent à lâcher. Oh putain. 6 et 6. Donc c'est raté, tu prends 3 points de stress mental. Si t'en as déjà trop ou plus, tu as une. Enfin, si t'en as déjà 1 à 3, c'est une résistance de 1. Ouais. Et 4 à 6, c'est une résistance de 2. Ouais. Lucas, tu réussis ton jet, donc tu prends pas de stress. Ah si, tu prends un stress, pardon, parce que ton dé négatif te donne. Ouais. Et Benoît, 2D aussi. Pendant ce temps-là, Lucas, c'est à toi d'agir. Eh bien, je... Tu continues d'apporter de l'aide éclairée ou tu fais autre chose ? Benoît, pardon, se rate sur son jet de choc et il se prend donc, du coup, 4, 3 et plus 1 pour le déstress, ça fait 4 points de stress mental. Donc, pardon, excuse-moi, Lucas. Non, bah, je continue à éclairer. Tu continues à éclairer ? Ok. Oh, ça t'empêche pas éventuellement de ramasser une boîte de conserve et de lui jeter à la gueule, par exemple ? Ah bah, je... Avec grand plaisir, alors. Je jette une boîte de conserve à la gueule. Grosse boîte bien lourde de cassoulet. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Tu fais ton jet avec 2 dés négatifs parce que t'es quand même en train de... C'est pas facile, l'environnement s'y prête pas. Et puis en plus, t'es déjà en train de les aider. Donc voilà, c'est une action supplémentaire. Donc tu lances 2 dés négatifs. Et du coup, j'ai... ouais, d'accord. Bah du coup, j'ai 2 dés négatifs plus 3 parce que j'ai déjà un trauma de 3, quoi. C'est quoi déjà ton trauma de 3 ? C'est ta jambe, non ? Je pisse le sang. Ça t'empêche pas de rester statique et de lancer une truc. Très bien. Ouais. Je considère que ça t'embête pas là. 2 et 5. Bon, de toute façon, t'as raté en plus son jet. Ouais. Tu prends 2 points de stress donc. Physique. C'est au bout de 3 points de stress, on réduit d'un, c'est ça ? Ouais, là, du coup, tu t'en prends qu'un. C'est ça que ça veut dire. Donc, Lucas, c'est fait. Manu et Benoît, du coup, ce sera à vous. Manu, que fais-tu ? Moi, je vois bien que je suis pas très fort avec le désintégrateur. Je vais l'utiliser plutôt en batte. Ok. Donc, tu te précipites au corps à corps. Allez, je considère que l'infatigable te donne... Parce que là, c'est quand même assez intense, tout ça. Je considère que l'infatigable te donne... un bonus, donc tu as 2 dés positifs et 2 dés négatifs. Par contre, t'as ton bras aussi qui joue, toi. Tout à fait. Bah donc ça fait 2 dés positifs et 5 dés négatifs. 5. Ah oui, 2 de base plus les 3 de ton trauma. Ok. 5 et 6, donc déjà c'est raté. mais au moins tu prends que 3 points de stress physique. Ouais, c'est cool. Et Benoît, quant à lui, réussit son attaque et par contre se prend 2 points de stress physique de plus. Réussit son attaque, ce qui fait que notre nouvel ami alien est désintégré. Eh bah putain. Une table de chasse, ce Benoît. Là, vous voyez les grilles qui tombent un peu partout, vous entendez des hurlements sur les militaires qui meurent également. Mais l'avantage semble être pour l'instant aux militaires, car effectivement les tirs finissent par cesser. Donc vous vous retrouvez face à l'armée qui sécurise un peu la zone, mais qui progresse, qui semble vouloir en tout cas continuer à progresser. Donc, bah, que faites-vous ? Racontez-moi un petit peu ce qui se passe une fois que la poussière retombe. Ben moi, j'irais bien derrière les lignes militaires, en fait. Tout à fait. Dans la zone qui, a priori, enfin, qu'ils ont déjà sécurisée. Lucas ? Bah ouais, tout à fait. Bien. Alors, vous effectivement, vous prenez le chemin inverse. Est-ce qu'on peut emporter un petit pot de cendres d'Emmerich quand même ? Parce que... Vous pouvez prendre un peu d'Emmerich, effectivement. C'est gentil. Bah, on prend un peu d'Emmerich, alors. Vous pouvez faire pour lui ce que vous n'avez pas voulu faire pour moi. Tout à fait, bien sûr. et donc, vous commencez à remonter toujours en pleine nuit. Hein, là, il doit être 1h du mat, quelque chose comme ça. Vous commencez à remonter cette avenue. Et bientôt, vous voyez de nouvelles soucoupes qui volent devant vous, dans la ville. Et je crois que nous allons arrêter ce blind test ici. Je ne saurais supporter de continuer cette partie alors qu'Emmerich est décédé. C'est clair. Ah bah c'est la vie, hein. Voilà, vous venez donc de jouer à Fin du Monde. La Fin du Monde, qui est un jeu de rôle édité par Edge sur différents thèmes. Ouais, le thème... ça c'était quel thème du coup? Alors, c'est thème invasion extraterrestre, évidemment. D'accord. Il existe également trois autres thèmes à ma connaissance. Zombies, les dieux de l'apocalypse, je crois, ou un truc comme ça, ou les dieux... Ouais, le réveil des dieux. Le réveil des dieux. La colère des dieux, je crois. Colère des dieux, oui, c'est ça. Donc, il y a le zombie, colère des dieux, et bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est lié aux machines et aux IA, enfin voilà, ce genre de... un peu à la Terminator, etc. Et donc, sur ce... donc, dans ce jeu de rôle, sont proposés cinq, enfin, dans chacun de ces thèmes, et sont proposées cinq histoires qui sont à chaque fois en deux phases, et donc vous avez joué le début de la première phase de... je sais plus comment il s'appelle celui-là... Je vais vous dire ça tout de suite. C'est la guerre des mondes, tout simplement. Okay. On aurait pu vaincre les petits gris en leur éternuant dessus un grand coup de Covid-19, quoi. Peut-être. Et peut-être que c'est déjà à l'œuvre. Peut-être qu'ils vont déjà mourir. Donc voilà, donc c'est tous ces jeux de rôle-là vous se proposent. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même la grosse proposition du jeu, c'est de vous jouer vous-même. Hein, c'est de les joueurs se jouent eux-mêmes, se créent eux-mêmes et se jouent eux-mêmes donc dans un univers, leur univers à eux, mais qui bascule vers l'horreur, alors que ce soit par des extraterrestres, des zombies, des dieux anciens qui se réveillent ou des machines maléfiques qui se mettent à tuer les humains. Voilà, je trouvais ça donc le thème assez fun. Ouais. Alors les règles, voilà, c'est un peu particulier. Hein, j'ai peut-être fait des erreurs d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent, j'ai peut-être fait des erreurs par-ci par-là. Bon, je voulais pas perdre le rythme non plus, donc en discussion longues et argumentées sur les positifs, les négatifs, donc bon, j'ai peut-être été un peu partial, un peu rapide sur les... Non, c'était bien. Sur les dés, mais bon, je pense que ça gagnait un peu en rythme. Ça a gagné un peu en rythme. Ouais, et puis ça s'est bien déroulé au final. Voilà, bon, je sais pas ce que vous en pensez, on va faire un petit tour de table quand même, savoir ce que vous pensez de tout ça. Ouais. Donc j'étais très... Si je vais quand même finir en disant que j'étais très empli de terreur en voyant que Valkan avait reçu la fin du monde, la colère des dieux, quelques semaines avant qu'on commence à jouer. Donc je me disais, pourvu qu'il ne le lise pas. Donc je sais pas si t'avais pété, si t'avais compris que c'était ça ou pas. Ouais, alors en fait, j'ai commencé à le lire. J'ai vu que la proposition c'était de s'incarner soi-même ou d'incarner des personnages qui sont nous dans un univers. Et je me suis dit, ça se trouve, ça va être ça qui va nous faire jouer. Et du coup, j'ai arrêté ma lecture là. D'accord. Donc j'ai même pas lu, je crois que j'ai même pas lu le système ni rien. J'ai juste, je me suis dit, connaissant Jordi, c'est sûr, ça ne va pas être celui sur la fin des dieux. Enfin sur le réveil des dieux, je pense. C'est pas le thème qui te botte le plus. Non, c'était pas le thème qui te botte le plus. Donc du coup, je savais qu'il y avait d'autres thèmes. J'ai fait exprès de ne pas regarder ce qu'il y avait comme thème ou comme piste de scénario, et je me suis dit voilà. Non. Parfait. Je sais ce que c'est, je pense savoir quel jeu c'est, mais du coup, l'idée, ça va être quand même que je le découvre en jeu. Donc, bon, ça va. Bon, ça va, c'est cool. T'as au moins eu cette petite surprise. Du coup, c'est juste sur le démarrage, je savais que ça allait partir en couille à un moment. Je savais pas comment, mais je savais que ça allait partir en couille, c'est sûr. Alors, c'est pareil. Alors que nous, on ne doutait pas du tout que ça allait partir en couille. Alors, j'ai décidé de partir très vite effectivement et de voilà oui. De m'éliminer très vite du tableau avec ma famille histoire de pas faire des PNJ interminables non plus, enfin ça n'avait pas de sens, je voulais que vous vous retrouviez tout seul. Et effectivement, quand j'ai acheté le jeu, j'avais le choix entre donc Invasion extraterrestre, la colère des dieux et les zombies. Celui des machines, je crois, n'existait pas encore en fait quand je l'ai acheté, parce que ça fait déjà une petite année, je crois, que je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter l'année dernière. Et effectivement, j'étais plus intéressé alors soit par Invasion extraterrestre, peut-être soit par les zombies à la limite, j'aurais pu trouver ça assez fun aussi, mais j'avais pris à ce moment-là, j'étais plus intéressé par les extraterrestres, donc j'ai pris ça. Lucas ? Bah, très fun, mais effectivement, je donne pas cher de notre peau. Oui. En cas d'une vraie invasion extraterrestre. Hein, Clairement, le système est vraiment mortel. Enfin, les armes. On prend cher. Monstrueusement puissantes. D'ailleurs, quand vous arrivez à en obtenir, ça reste quand même assez intéressant aussi pour vous, même si c'est pas forcément facile d'utilisation. Mais oui, clairement, le système est vraiment mortel pour le coup. Il n'y a pas photo. Surtout qu'effectivement, si on se crée soi-même, fatalement, il y a quand même de grandes chances qu'on soit pas vraiment des guerriers. Bah, c'est clair. Là, tous les lancers, c'était en dextérité quasiment. Et bah, du coup, c'était qu'un one-shot. Mais c'est vrai que du coup, toutes les compétences sociales, on les a. Alors voilà, ça, c'est aussi un parti pris que j'ai fait pour vous présenter le jeu. Sachant que c'est quand même un jeu qui veut se jouer quand même en campagne. Hein, des campagnes assez longues où bah, on passe pas que son temps à flinguer. Hein. Il y a aussi du coup une gestion. Bah, il peut y avoir une gestion justement de votre survie avec des moments plus calmes, avec des rencontres avec d'autres survivants, avec bah, des survivants qui peuvent vous en vouloir aussi, enfin voilà, qui peuvent vouloir ce que vous voulez, etc. Enfin, jamais utilisé. J'imagine que tu vas avoir plus une gestion à la Walking Dead, ce genre de choses en campagne, quoi. Oui, oui, tout à fait. Donc effectivement, avec du coup le côté social qui va prendre plus le pas sur certaines phases de jeu. Donc, voilà, moi je voulais un truc assez péchu, assez. Donc je me voyais pas vous proposer un moment calme avec d'autres personnes, etc. Enfin voilà, je préférais. Non, mais clairement. Je préférais vous proposer un truc un peu plus violent, mais voilà, un peu plus. Tu nous as proposé de rencontrer d'autres personnes, on est parti de l'autre côté. Hein. C'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Manu ? Eh bien, très bien, c'est vrai que c'est le système est extrêmement punitif, quoi. Oui, clairement. De base, t'as qu'un seul dé et t'as quasiment, on avait quasiment sur toutes les actions au moins un dé négatif. C'était effectivement extrêmement punitif. Oui, je pense que c'est un système qui pousse un peu. Ça se rapproche des OSR en fait. Hein, je pense dans le côté très punitif et très très compliqué, et dans le côté ça te pousse à de la stratégie, de la tactique pour céder, pour de maximiser. Ouais, c'est un système qui fait en sorte qu'il y ait toujours une occasion de monter du stress, quoi. Oui, pratiquement toujours. Hein. Après, je pense que j'ai aussi été très salaud avec vous dans le sens où effectivement je vous foutais toujours des dés négatifs pour faire monter aussi la pression parce que je voulais que ce soit un one shot. Donc ouais, mais donc je pense que sur un jeu en campagne j'aurais été quand même moins salaud sur les dés négatifs pour que la montée de stress soit quand même plus douce, et puis aussi en variant aussi les scènes beaucoup plus, il y aura un peu moins de violence pour que vous ayez aussi le temps de régène, de vous soigner, etc. Là, l'idée, c'était quand même de vous garder sur une certaine corde raide tout au long de cette soirée. Et sinon, les extraterrestres, c'est un truc qu'on avait. Je me souviens pas qu'on ait touché à cette. Ouais, ce genre de thème. À ce thème-là, depuis que je fais des jeux de rôle. Bah ouais, c'est pas faux. C'est vrai que jamais été trop space opéra, et du coup, un truc comme ça d'invasion extraterrestre, c'est assez original. Alors je vous dis, il y a 5 thèmes proposés. Donc effectivement, maintenant que la surprise est passée, je peux vous le dire. Il y a donc effectivement la guerre des mondes avec des petits gris. Alors, je ne veux pas vous parler des deuxièmes phases, parce que ce qui est assez sympa, en fait, c'est que sur chaque thème, il y a une chronologie de ce qui se passe, au jour J+1, J+3, etc. Une chronologie de ce qui peut se passer à travers le monde. Et il y a toujours une deuxième phase, c'est-à-dire, suite à ce qui s'est passé, ça peut être quelques années après, du coup, voilà ce qui va se passer. Alors, ça peut être. Et sur la guerre des mondes, la deuxième phase est assez rigolote, d'ailleurs. Il se passe des nouvelles choses encore assez surprenantes, c'est assez sympa. Les autres thèmes, alors je crois qu'il y a un peu le côté. Il y en a un qui fait très V, c'est-à-dire, c'est des hommes lézards qui sont un peu qui sont déjà partout sur Terre et qui se révèlent, en fait. We come in peace, always. Donc ça, je trouvais ça assez fun aussi, mais du coup, ça aurait même peut-être été mon thème préféré, mais il n'y avait pas le côté rentrer direct dans l'action, en fait. C'était beaucoup plus, on commence à voir des aliens à la télé qui se révèlent, enfin bref, un truc plus progressif. C'est moins one-shot, quoi. Un one-shot, voilà, ça me paraissait moins... faisable. Moins pratique. Il y en a un où c'est carrément des. Alors, c'est pas vraiment des extraterrestres, puisqu'ils viennent des océans. Donc, c'est un peu genre l'Atlantide qui attaque, quoi, on va dire. Au fond, les profonds. Donc, ça pouvait être rigolo aussi. Mais, l'idée, c'était de vous réunir chez moi, et chez moi, il n'y a pas vraiment la mer à côté. Donc, c'était. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, il y a l'invasion des fourmis géantes aussi. Donc, ça, c'est assez fun avec des météorites. Donc, ça, c'est pareil. J'y avais pensé aussi. Enfin, j'avais hésité avec celui-ci. Mais je me suis dit, en fait, autant tomber dans le cliché, en fait, quoi. Voilà, les petits gris, je trouvais ça rigolo, quoi. Le petit gris avec le cigare, ça faisait un peu Mars Attack, c'était sympa. Ouais, complètement. Et le dernier, c'est The Body Snatchers, ou l'invasion des profanateurs de sépultures. Profanateurs de sépultures, oh, quel grand film. Et donc ça, c'est pareil, je pense que c'est assez énorme à jouer. Tu m'étonnes. Mais pareil, pour un one-shot, j'ai pas vu comment le faire démarrer très vite, parce que c'est plutôt quelque chose qui se fait aussi un peu progressivement, quoi. À faire du Ed Wood. Qui ne connaissent pas Body Snatchers, hein, c'est des espèces de cocons qui prennent votre apparence, en fait, et qui vous éliminent, en fait, pour prendre votre... Ah, yes. Quand vous dormez. Et du coup, le film est absolument horrible, puisque on ne peut pas dormir, quoi. Dès qu'on dort, quelqu'un qui essaie de prendre votre place, quoi. Quel enfer. Donc c'est un film particulièrement informatique que j'ai vu il y a très longtemps. J'étais très jeune, je sais pas quel âge j'avais quand j'ai vu ça, mais je devais même pas avoir 12 ans, je pense. Et je m'en souviens encore, c'est très traumatisant. Est-ce que t'as pas dormi? Je suis pas sûr de pas avoir dormi, mais non, franchement, je m'en souviens encore. C'était vraiment assez spécial comme film. Surtout que les doubles, en fait, ne savent pas parler. Et seule chose qu'ils savent faire, c'est te pointer du doigt, ouvrir la bouche et pousser un long cri très strident. Yes. C'était vraiment flippant. Pas comme les films d'horreur de maintenant, qui font pas du tout peur. Donc malheureusement, Benoît n'arrive toujours pas à se reconnecter. Donc pareil, je suis positivement désolé de ce qui s'est passé avec mon bon Benoît, qui en plus vous était manifestement d'une grande aide quand même, hein, faut bien le dire. Je pense que le record de kill va à Benoît, que Benoît qui ne peut pas nous dire comment il a ressenti les choses. Alors pour nos auditeurs, sachez qu'il a quand même réussi à faire quelques jets de dés, mais il n'a pas réussi à se reconnecter au Discord. Donc voilà, je crois qu'il nous entend quand même, sans doute pas très très bien, mais il nous entend un peu. A posteriori, c'est son coup, le premier coup de laser, ça a dû son trauma, c'est qu'il est devenu muet tout d'un coup, il n'a plus prononcer une parole. C'est ça, c'est très RP tout ça. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui est assez rigolo, alors je jouerais bien en campagne, alors après j'aurais moins envie de le jouer en campagne qu'un 7ème mer ou qu'un... Deadlands, mais je pense que ça peut être fun d'avoir ce côté gestion de survie à long terme quand même. Je pense que c'est assez sympa. Ouais, après je pense que ça dépend vraiment des thèmes. Parce que avec les zombies par exemple, j'aurais peur de tomber dans le cliché, je pense, des Walking Dead, de voir des trucs qui ont déjà été faits partout, etc. Bien sûr, mais je suis quand même curieux des 5 thèmes qu'ils proposent. Ouais. Enfin, tu vois, des 5 scénarios qu'ils proposent. Je suis quand même curieux de comment ils... C'est peut-être les 5 types de zombies différents, tu sais, genre un virus, genre une expérience. Tout à fait. Ouais, il y aura un certain plaisir quand même à jouer du Walking Dead, mais bon, c'est sûr qu'après, t'as peur de faire ce qui a déjà été fait, effectivement. Ouais, et le souci, c'est qu'il y a, enfin, entre les jeux vidéo, les comics, enfin, il y a énormément de situations qui ont déjà été pillées. Le zombie, on en a un peu bouffé à toutes les sauces, quoi. Ouais, c'est sûr, mais rien que le fait qu'on se joue nous-mêmes, enfin, que le joueur se joue lui-même, je pense que ça rajoute un truc que tu sentirais pas avec un personnage créé de toutes pièces, quoi. Ça rajoute ce petit truc en plus quand même qui est assez sympa, je trouve. Moi, j'avoue que le fait de jouer soi-même, il y a quand même un côté un peu déstabilisant au début. Oui, je pense. Au début, c'est bizarre, t'es pas super à l'aise. Créer le personnage, c'est chaud, quoi. Ouais, créer le personnage, et puis même, on a pris l'habitude de jouer en virtuel, de s'appeler avec nos pseudos ou nos noms de personnages, et là c'est ton prénom à toi qui ressort, t'es là, c'est pas la même, quoi. C'est sûr que niveau immersion, c'est différent. Et enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu déstabilisant au début. Oui, j'imagine. Par contre, c'est vrai que d'un autre côté, ça te recadre en fait dans la fiction quelque part, dans le sens où tu te joues toi, donc tu vas pas faire des trucs non plus tirés par les cheveux, héroïques, ou tenter des actions un peu... Oui, c'est plus facile de jouer l'ordinaire, quoi. C'est... Ouais, voilà. Et super étonné de ta part, en fait, d'avoir choisi ce type de jeu, parce que je croyais que les jeux... on va dire orienté un peu ambiance horreur, c'était pas du tout ta tasse de thé. Et voilà, sur une invasion extraterrestre avec un scénar one shot un peu survival horror, on est dedans, quoi, en fait. J'ai essayé de vous surprendre un peu, tu vois. C'est... Ah bah ouais. Effectivement, c'est pas mon thème de prédiction, mais non, mais là c'était vraiment le côté. Surtout que je l'ai pris au départ, je l'ai pris sans. C'est vraiment le côté les joueurs qui jouent eux-mêmes, et puis ce côté survie extraterrestre, ouais, je trouvais ça sympa. Mais bon, c'est probablement pas l'exercice où je serais le meilleur, c'est sûr. Et puis je ne vous dis pas ce que j'ai ressenti en enlevant ma propre famille et en me tuant moi-même. Hein, Ouais, clair. Tu m'étonnes. Il y avait quand même un côté un peu. On sent d'ailleurs que les membres de ta famille n'ont pas eu tous le même traitement. J'ai osé me tuer, mais je n'ai pas osé tuer ma femme et mes enfants. Ah bah tu m'étonnes. C'est beau. Je n'aurais pas pu. Tu m'étonnes. Moi, je pense que j'aurais fait en sorte qu'ils soient chez les grands-parents pour les vacances scolaires ou une connerie dans le genre. Tu vois, on n'en parle pas, ils sont hors champ. Ouais, mais je voulais quand même. Je voulais montrer le rayon tracteur et je voulais quand même marquer le truc. Il fallait que ce soit vraiment choquant et horrible dès le départ, quoi. Ouais. Alors juste pour info, les soucoupes, vous aviez moyen quand même de les désinguer avec les fusils, avec les fusils des aliens, il y avait moyen, mais bon, c'était clairement des adversaires très compliqués néanmoins. Déjà les petits gris, c'était des adversaires compliqués, alors. Ouais, alors effectivement, vu que vous êtes débarrassé des premiers relativement facilement, en fait, j'avoue que là, je vous en ai lancé deux tout de suite. Enfin, tout de suite. Attends, le premier, il a failli canner Benoît, enfin, en un coup. Ouais, finalement, j'avais trouvé que ça s'était pas si mal passé que ça, quand même. Mais après, après, il avait rien fait d'autre, quoi. Il avait réussi un tir et c'était tout. Du coup, je me suis dit, oh là, je vais leur en mettre deux quand même. Et puis, j'ai un peu regretté. C'était pas tout à fait ce que j'avais prévu, en fait, hein, comme fin, j'avoue. Je pensais vous faire juste rencontrer deux. Je pensais, voilà, vous blesser quand même, que ça vous blesserait, mais sans plus. Et du coup, bah, j'ai un peu précipité la fin. Normalement, vous deviez passer la nuit. En gros, je vous aurais laissé tranquille la nuit. Et la bataille finale, ça aurait été pendant que vous étiez en train de bouger d'un point A à un point B, vous seriez tombé en plein milieu de la bataille finale. Là, vu qu'il y avait Valkan qui était en train de canner avec son bras en moins, je me suis dit, bon, voilà, on va précipiter les choses. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé cette dernière scène comme ça, quoi. Mais j'ai pris cher hein, sur le dernier coup, là, 8 d'un coup. Oh, putain. Mais oui. Je n'ai pas pensé prendre un trauma physique parce que je me suis dit 2, bon, ça peut se temporiser, mais... Pour tout dire, hein, selon les règles, arrivé à 10, t'étais déjà mort, en fait. Ah oui, je pense, oui. C'est pour ça que... Bon, j'ai joué le côté désintégration parce que je me suis dit, non, je voulais pas forcément te tuer tout de suite. Puis comme après, je me suis dit, bon, laisse tomber, c'est mal barré, il faut que je lance la dernière scène. Et bon, là, du coup, Oui, non, mais attends, mais c'est... pour ça que j'ai lancé les morts et le prochain qui se faisait toucher, il passait aussi. Hein, j'ai tanké 2 tiers au lieu d'un, ce qui a pu permettre à mes petits camarades de survivre, peut-être. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça, parce que là, clairement, je pense que le prochain tir, c'est pareil, ça tuait quelqu'un, quoi. J'aurais pas trop compté les spécialement les dégâts, quoi. Je serais parti sur une mort à peu près directe pour finir vraiment en apothéose horrible, en horrible apothéose. En tout cas, amusant. Puis c'est un côté très très fuite, survival horror, limite slasher en fait. C'est vraiment dans le. C'est... Ouais, alors c'est parce que je vous ai lancé attaque sur attaque, hein, mes pauvres amis. Mais ouais, mais c'est marrant parce qu'on. Moi je trouvais que ça rendait bien comme ambiance en fait, c'est que ça, c'était intéressant aussi de voir ça comme ça, et puis c'est vrai que tu sens que les mecs ils sont venus pour envahir la planète, ils viennent pas rigoler, quoi. Et oui. Ah, ils ont des fusils désintégrateurs qui salut tout le monde, qui font des trous énormes, je veux dire, on sent bien qu'ils sont pas venus là pour enfiler des perles, quoi. Puis en plus effectivement ils s'arrêtent pas aux militaires, quoi. C'est vraiment ça désingue de partout, ça fait un peu n'importe quoi, ils ont un comportement un peu pas aléatoire, mais ouais, enfin, pratiquement aléatoire. En dehors de la compréhension humaine quelque part, mais ce qui est bien en fait. Ouais. Donc ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a quand même bien amusé. C'est un exercice assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire en tout cas. Donc, mais c'était assez marrant. Mm. Donc j'espère que ça a également amusé nos auditeurs. Et puis ben, donc je vais dire au revoir à nos auditeurs, tout simplement. Mm. Allez, bye bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, malgré ses soucis techniques. Nous avons donc joué à Fin du Monde, un jeu de rôle édité par Edge, et plus particulièrement Invasion Extraterrestre. Comme dit dans les briefings, il existe des ouvrages tournés vers les dieux anciens, les zombies ou les IA. A bientôt pour nos prochains épisodes, et plus particulièrement notre prochain blind test intitulé Chef de groupe, qui sera plus long et gardera son secret plus longtemps. Poutou baveux à tous!